France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Les personnages de Feydeau sont très inventifs, mais heureusement leurs inventions, leurs astuces, leurs tactiques peuvent se détraquer. Le système Ribadier, lui, est très au point, très efficace, très simple, très pratique pour écarter durant un certain temps qui pourrait le gêner, ce brave Ribadier, successeur à sa façon de Monsieur Robineau. Monsieur Robineau qui n'est plus, et qu'un ami de retour de Batavia, ça doit être loin ça, pleure encore. Cela dit, ça ne fait qu'un quart d'heure qu'il a appris sa mort. Il y a des choses que l'on fait et que l'on n'écrit pas, fût-ce dans un petit carnet secret, du moins du vivant de celui qui les vit, ces choses que l'on n'écrit pas, en tout cas dont on ne parle pas à sa femme dans les vaudevilles. N'empêche qu'une épouse, digne de ce nom, pense qu'elle finira bien par le surprendre, son deuxième mari. Le système Ribadier, première diffusion sur France Culture le 4 août 1974. L'ORTF et la Comédie-Française vous invitent à écouter, sous la direction artistique de Jacques Régnier, Le système Ribadier de Georges Feydeau, qui aura pour interprètes messieurs Jacques Hézer Savinet, Jean-Paul Roussillon Ribadier, Alain Feydeau Thomereux, Raymond Acquaviva le valet de pied Gussement, Philippe Rondest le récitant, et Mlle Yvonne Godot, Angèle, et Virginie Pradal, Sophie. À la fin du siècle dernier. Un salon au rez-de-chaussée d'un immeuble cossu. Au-dessus de la cheminée, un grand portrait en pied de feu Robineau. La fenêtre est ouverte, Sophie la bonne et Gussement le valet de pied se tiennent embrassés comme des amoureux. Un tout petit, Sophie. Mais non, voyons. Oh, tout petit, tout petit. Oh, vous n'êtes pas sérieux, hein? Oui, là, mais faites vite. Ah, Sophie. La vie de nos maîtres pour ce moment de bonheur. Allons, Gussement, c'est pas le moment. Je viens de servir le café aux bourgeois. Ils peuvent sortir de table et nous surprendre. Finissez. Oh, et bien qu'ils nous surprennent. Merci, nous flanquerez à la porte. Allons, filez. Voilà une bouteille de vin et une moitié d'un pâté que j'ai sauvé du dîner. Pour qu'il vous en reste du pâté. Je l'ai pas repassé. Ah, voilà comme je comprends l'amour. Être aimé pour soi-même. Et quand verrai-je? Eh bien, ce soir, si vous voulez. Ce soir? Les bourgeois ne sortent donc pas? Non, vous n'aurez pas à atteler. Quand tout sera éteint, vous passerez par cette fenêtre. J'aurai soin de la laisser entrouverte et vous montrer jusqu'à ma chambre. Mais en tout bien, tout honneur. Naturellement. Ils viennent. Allez, t'écarpissez. Oh, tiens, tiens, laisse-moi, tu m'ennuies. Oui, eh bien moi, je désire que ça ne se renouvelle pas des équipés pareils. Te désire vraiment? Parfaitement. Laissez-nous, Sophie. Oui, monsieur. Oh, oh, il y a un grain. Non, mais ma parole d'honneur, je crois que t'as eu un accès de folie aujourd'hui. Oh, c'est insensé, toi, une femme comme il faut, venir faire cette esclande en plein conseil d'administration. Mais qu'est-ce qui me prouvait que tu étais en conseil d'administration? Mais comment, ce qui te prouvait? Je t'avais dit, je vais à la réunion du conseil d'administration du chemin de fer du Nord. C'était clair, il me semble, mais non. Ça ne suffit pas, madame. Il faut qu'elle vienne se rendre compte par elle-même. Il n'y avait pas 5 minutes que le président avait ouvert la séance, que tout d'un coup, une trombe s'abat dans la salle du conseil. C'était madame qui s'écrie au milieu de tous les membres effarés. Ha ha! Nous allons donc le voir, ce fameux conseil. Eh ben après, ils n'en sont pas morts, tous ces messieurs, je suppose. Mais comment? Mais tu t'es rendu absolument ridicule, et moi avec. Oh, toi, alors. Je sais bien que ça t'est égal. Mais ça n'empêche pas que j'exige que ça ne se représente plus. En le voyant là, ma parole, j'avais plus où me mettre. Et monsieur de Rothschild, t'as pas vu la figure qu'il faisait, monsieur de Rothschild? Ah, il me l'a pas mâché, va, quand tu as été parti. Vous aurez la bonté, mon cher collègue, m'a-t-il dit, d'avertir madame Ribadier pour l'avenir que nos réunions sont privées. Ben voilà ce que tu m'as attiré. Et qu'est-ce que tu voulais que je réponde? Oh, naturellement, vous avez laissé marcher sur moi. Mais non, je t'ai excusé. J'ai dit que depuis quelque temps, tu donnais des signes d'aliénation mentale. Vous avez dit ça? Oh, mais j'ai assuré que le médecin me répondait de ta guérison. Oh, oh, charmant! Madame, qu'est-ce que tu aurais dit à ma place? Ce que j'aurais dit? Mais j'aurais dit que si j'étais venue, c'est que j'étais une femme payée pour savoir ce que vaut la fidélité des hommes. Voilà ce que j'aurais dit. Allons. Mais parfaitement, parce que j'y ai jamais cru un instant, vous savez, à votre conseil d'administration. Mais enfin, voyons, tu nous as bien vus cependant. Oh, je vous ai vu là, entre hommes, c'est évident, mais qu'est-ce que ça prouve? Oh. Ces salles d'assemblée, c'est bien agencé. On doit être organisé pour éviter les surprises. Oh. Ah, mais qu'est-ce qui me dit que vous n'avez pas eu le temps de faire filer les femmes? Ma chère amie, je t'assure vraiment que le conseil d'administration du chemin de fer du Nord a autre chose à faire que de se réunir pour folichonner avec des demoiselles. On vient pour causer du chemin de fer? Oh! Vous allez me faire croire ça? Madame. Parlons donc, il est fait votre chemin de fer, il n'y a plus besoin d'en parler. Oh non, non, discuter avec une femme, elles ont de ces raisonnements. Ah ça, à qui en as-tu? De quel droit me soupçonnes-tu? T'ai-je jamais fourni un motif de dire que je t'ai trompé? Oh, toi, non, mais... lui, Robineau! Oh, ah, ah, lui. Toujours ton Robineau! Est-ce que c'est ma faute si ton premier mari t'a trompé? Oh, non, ça, c'est bien de la mienne. Si j'avais été plus clairvoyante... Aussi est-ce pour ça que je prends mes précautions maintenant, le misérable. Quand on pense qu'il m'a trompé toute sa vie et que je n'y ai vu que du feu. Non, non, mais regarde-le avec son air de se moquer de moi. Scélérat, hein? Mais tu as assez tourné en ridicule. C'est ça, prends-t'en à lui. Tu te croyais très fort parce que tu avais une femme aveugle, oh. Oh, mais tu ne perds rien pour attendre, va. Ah, tu m'as trompé. Ah, tu as eu des maîtresses. Ça? Eh ben moi aussi, je te tromperai. Moi aussi, j'aurai des amants. Hein? Et tu la connaîtras, la peine du talion. Elle a, Angèle. Hé, tu trompes. Tu oublies que tu as changé de raison sociale. Il est liquidé, le numéro 1. Ah oui, c'est vrai. Oh, bon. C'est l'indignation, hein. Oui, mais il ne faudrait pas qu'elle allât plus loin, l'indignation. Parce que c'est pas lui, c'est moi que tu ferais chose. Et c'est pas une raison, parce qu'il a été banqueroutier, pour qu'on me mette en faillite. Bah aussi, c'est ce portrait. Chaque fois que je le regarde, je sens la colère qui me monte au cerveau. Ah bah, envoie-le au grenier, si c'est ça. Pourquoi le gardes-tu? Bah, parce que c'est de Bonnat. Si c'était que pour les traits de feu Robineau, bah, il y a longtemps que... Mais un Bonnat, même de son mari, ça se garde. C'est décoratif. Oui, je ne dis pas, mais si ton caractère doit s'en ressentir, si la paix du ménage doit en être menacée, tiens, veux-tu que je demande à Bonnat de le retoucher, de le modifier? Il en fera un seigneur du Moyen-Âge. Le temps efface bien des choses. Eh bien, ça l'éloignera. Non, j'entends le garder comme ça. Bah. Il est bon que je conserve devant les yeux cet échantillon de la fidélité conjugale, quand ce ne serait que pour m'apprendre à me méfier de toi. De moi? Eh bien, pourquoi, mon Dieu? Mais parce que tu es mon mari. Bon, voilà une raison. C'est la meilleure. Eh bien, ce portrait est là pour me dire, souviens-toi que tous les maris sont des parjures et des infidèles. Ah, mais bon, il n'y a pas à récriminer, c'est inhérent à la fonction. Ah, voilà ce que dit Robineau du fond de sa toile. Parfaitement. Et il ajoute en plus, regarde, tu es bien trompé, tu ne t'en es jamais aperçu. Eh bien, mets-toi bien en tête que tous tes maris te tromperont comme je t'ai trompé. Tous tes maris? Ne fie pas aux apparences. Plus les maris ont de choses à se reprocher, plus ils ont soin de les sauver, les apparences. N'en crois ni tes yeux, ni tes oreilles. Cherche, épie, surveille. Et si tu ne vois rien, dis-toi que tu as mal cherché et n'en sois que plus persuadé qu'il y a quelque chose. Non, voilà. C'est à rendre fou. Voilà le langage qu'il me tient, monsieur Robineau, par Bonnat. J'y flanque à elle feu, à ce portrait, j'y flanque à le feu. Va, oh, j'ai pu être ridicule une fois, je ne le serai pas deux, ou du moins ça ne sera pas de ma faute. Mais sacristie, voyons, parce que ton monsieur Robineau... Il ne s'agit pas de monsieur Robineau, il a quitté ce monde pour un autre. Hein? Ben si tu pouvais demander l'extradition... Il est bien où il est, mais halte là! Si lui n'est plus, toi, tu es encore là. C'est pas un reproche. Je ne plaisante pas. Eh bien, j'entends que la leçon me serve. À quelque chose, malheur est bon. C'est pourquoi, quand je t'ai épousée, je me suis fait une règle de conduite. Je me suis dit, autant tu as été douce et confiante avec feu Robineau, autant tu seras sévère et méfiante avec feu Ribadier. Comment, feu Ribadier? Ribadier. Ah, à la bonne heure, Martin. Tu avances, toi. Ah, tu seras bien fort si tu arrives à me tromper. Oh, parbleu, t'es toujours sur mes talons, tu me files. Je te file? C'est-à-dire que je connais tous vos moyens, toutes vos craques. Tu connais toutes nos craques? Bah, parfaitement. J'ai le recueil. Elle brandit un petit carnet soigneusement relié en marocain. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça? C'est la nomenclature des fredaines de mon premier mari. Oh. Celle qu'il a faite de son vivant. Naturellement. Le gueux. Oh. Il a eu le cynisme de les consigner dans ce carnet, afin que la postérité n'en ignorât, sans doute. Il ne se contentait pas d'accomplir, il fallait qu'il enregistrât. Coureur, hein? Et archiviste. Ah. Oh. Ah, ça m'a édifié sur sa conduite. Mais aussi est-il bête d'avoir écrit tout ça. Il y a des choses qu'on fait et qu'on n'écrit pas. C'est ton principe à toi? Madame, non. Lui, il en a fait un ouvrage, avec une table des matières. Et un titre, il y a même un titre. Ah, il y a... Oui, mes bateaux. Mes bateaux. Guide pratique pour les maris sans imagination. Les voilà, ces bateaux. Il y en a 365. Martin, mais c'est une flotte. 365, autant qu'il y a de jours dans l'année. Ce qui, réparti en 8 ans que notre ménage a duré, nous donne un bateau tous les 8 jours. Comme la transatlantique, un courrier hebdomadaire. Et dire que ça se passait, pour ainsi dire, sous mes yeux, et que je ne me suis aperçu de rien. Mais t'avais peut-être pas vu le port. Mais qu'importe, grâce à ce carnet, j'ai désormais la clé de tous vos stratagèmes. On ne peut plus m'abuser de sornettes à présent, j'ai le recueil. Oh, tu as le recueil. Oui, parfaitement. Tiens, si tu veux voir pour ton conseil d'administration, ça y est. L'administration. C'est dans les A. Oui, on va parfaitement, mais conseil des... Apostrophe. Voilà. Quand je vais faire une partie en joyeuse compagnie, je dis à ma femme que j'ai eu une réunion de mon conseil d'administration. Et ben après? Eh ben, il paraît que quand on dit qu'on a une réunion de son conseil d'administration, ça veut dire qu'on va faire une partie en joyeuse compagnie. Moi, je ne connais que mon carnet. Oh, c'est pour ça que... Oh, tiens, t'es absurde. Est-ce qu'il a le sens commun, ce livre-là? Est-ce qu'il a le sens commun? Mais rage, hein? N'empêche que je finirai bien par te surprendre. Écoute, tiens, laisse-moi tranquille. Quand tu commences à déraisonner... Je déraisonne. Parfaitement, tu déraisonnes. Eh ben, je te ferai voir si je déraisonne. Tu verras si tu pourras continuer à te conduire comme tu te conduis. Moi? Oui, et je saurai tout, tu m'entends? Oh. Tout, parce que j'aime encore mieux une certitude que ce doute qui m'exaspère. Oh, tout, je saurai tout. Oh non, et dire que je l'ai épousée parce que je voulais une femme confiante. Ah, c'est la faute à cet imbécile de Robineau là, qui me disait toujours, ah, ma femme, quelle femme confiante, jamais de où vas-tu, de où as-tu été, ben la voilà, la femme confiante. Enfin, est-ce que c'est une vie, ça? C'est insupportable pour un mari, de se voir sans cesse épié, surveillé, surtout au moment où il ébauche un roman. Ah, c'est elle. Ah, te revoilà. Eugène, j'ai eu tort. Je te demande pardon. Oh oui, à quoi ça sert de te pardonner? Tu recommences 5 minutes après, comme une enfant. Oh non, tu verras. C'est sérieux. Ouais, oh, je sais bien. Tu m'as dit ça toutes les fois. Oui, mais les autres fois, je ne le pensais pas, tandis que maintenant, je... Tu le penses peut-être, mais pas pour longtemps. Enfin. Si. Pour te prouver mon repentir, tiens, voilà des lettres pour toi. Je veux même pas les lire. Oh, t'es bien bonne. Qu'est-ce que c'est que ces lettres? Monsieur Ribadier, cercle du tout par... Mais ça... Mais comment les as-tu entre les mains? J'ai été les chercher à ton cercle. Comment? Tu as été... Ah, oui, j'ai dit au valet de pied qui m'a ouvert. Mon mari m'a chargé d'aller chercher ces lettres. Voulez-vous me les donner? Et il me les a remises. C'est trop fort. Ben, je les attrapais, moi, pour remettre comme ça mes lettres à n'importe qui. Oh, ben merci pour n'importe qui. Une femme ne peut plus aller chercher les lettres de son mari, alors? Non! D'ailleurs, je te ferai remarquer que je ne les ai pas ouvertes, tes lettres. Oh, mon Dieu! Toi qui prétends toujours que je te file. Si je te filais, n'est-ce pas, hein? Eh ben, tu les lis pas? Quoi? Bah, tes lettres. Eh ben, j'ai le temps. Pourquoi t'as le temps? Il y a donc quelque chose que tu ne veux pas me montrer, qu'il faille que je sois partie pour que tu les ouvres? Oh, que tu m'ennuies, mon Dieu, que tu m'ennuies! La voilà! Elle vient de me demander pardon, la voilà! Qu'est-ce que tu veux qu'il y ait dans ces lettres? Quoi? D'ailleurs, lis-les, je sais pas pourquoi je te les cacherais. Oh! Elles sont sans importance, j'ai vu l'écriture. Mon cher collègue, Je n'ai pas oublié les 30 louis que je vous dois, et si je vous écris, c'est que je tiens à m'acquitter. Là, tu vois, c'est un collègue qui me rend 30 louis. Prêtez-moi donc 20 louis, ça fera une somme ronde que je vous rendrai au premier jour. Ah bah plus souvent, par exemple. Oh, je te félicite de la façon dont tu comprends les placements. Oh. Et celle-là d'une écriture plus fine, avec cette devise quelque peu arrogante. Qui me prend mes fidèles. Qui me prend mes fidèles? Il y a ça? Direz-vous que ce n'est pas une femme? Ben, je comprends pas. Monsieur... Ah ben, elle est jolie, la femme. Monsieur, devant le succès obtenu par notre nouvelle invention, la mignonnette, nous nous faisons un devoir de vous recommander ce gracieux appareil hydraulique. C'est à juste titre qu'il a pu adopter comme devise « qui me prend mes fidèles ». Son emploi facile, son prix modique, autant que sa forme élégante, qui en font un véritable bibelot de luxe, affirme d'une façon éclatante sa supériorité sur l'appareil du docteur aiguisier jusqu'ici en faveur. Ah, tiens, la voilà, ta femme. Hein? Oui, s'il n'y a que celle-là pour me détourner de mes devoirs. Bah, est-ce que je pouvais supposer qu'une pareille devise, qui me prend mes fidèles, ça s'appliquait à ça? Eh ben, oh. Voilà comment il en est de tout. Tu commences par m'accuser, après tu t'aperçois que tes soupçons n'ont pas de raison d'être. Non, mais c'est agaçant à la fin, qu'à tout ce que je fais, on trouve un sens caché, que je ne puisse même plus dire à la cuisinière, je voudrais bien manger du veau ce soir, sans qu'on ne s'imagine que cela signifie que je veux passer la nuit avec elle. C'est insupportable. Eh bien, je te déclare qu'avec ce système-là, tu me feras quitter la maison, si tu veux le savoir. Tu quitterais la maison? Parfaitement. J'ai ma famille en province, eh bien, je m'en irai. Je retournerai chez ma mère. Eugène, tu ne ferais pas ça? Si. Eugène, je te demande pardon. Ah, encore. J'ai eu tort de te soupçonner. Ah oui? Mais oh, j'aurais dû réfléchir, attendre avant de t'accuser. Tu en conviens. Mais ce qui m'a rendue défiante, c'est l'exemple de Robineau que j'ai là, devant les yeux. Mais comprends donc une chose, ma chère amie, c'est que tu fais absolument fausse route avec ton carnet posthume. Mais en admettant même que j'ai l'idée de te tromper, tu crois que j'irais me servir de ces vieilles ficelles? Non. Au moins, accorde-moi que je serai original. Je ne suis pas vaudevilliste, moi. J'ai pas besoin des idées des autres pour faire des pièces nouvelles. Oh, c'est une... Ne fais pas de pièces du tout. Tu es ingénieur, eh ben ne fais pas comme ingre, n'essaie pas de jouer du violon. Mais toi, alors, ne me persuade pas tout le temps que j'en joue. C'est vrai. Tu finiras par me donner le goût de la musique. Oh. Madame. Oh, voyons, Eugène. Dans tout ça, il y a beaucoup de ta faute. Si je sentais que tu m'aimais bien, j'aurais peut-être pas de ces idées. Je t'aime pas, moi? Oh, pas comme au premier temps. Tu crois qu'une femme s'y trompe? Il y a des jours où tu ne me dis même pas bonsoir. Oh. Oh, mais autrefois, tu me le disais plutôt deux fois qu'une. Non, non, non, non, va, tu ne m'aimes plus autant. Mais si, seulement ces discussions continuelles, qu'est-ce que tu veux? Ça fatigue la tendresse, c'est logique, quoi. Toute expansion de quelque ordre qu'elle soit exige une dépense nerveuse. Eh bien, étant donné que nous n'avons qu'un certain capital quotidien, si nous le dépensons d'un côté, nous ne le dépensons pas de l'autre. Tu me fais une scène, mon budget y passe, je me repose. Il faut croire que je suis plus riche que toi. Oui, c'est possible, mais moi je suis comme un monsieur qui n'aurait que 20 francs à dépenser par jour. S'il achète dans sa journée pour 20 francs de poils à gratter, ben, il aura beau faire, il n'aura plus le sou quand il voudra se payer à dîner. Il pourra aller dîner en ville. Ah oui. Moi, que tu ailles dîner en ville. Mais non, c'est pas ce que je voulais dire. Je veux que tu ne dînes qu'avec mais moi. Mais oui, là, oui. Oui, seulement arrange-toi pour ne pas m'enlever l'appétit. Oh, c'est entendu, là. Alors, je t'embrasse. Tu m'embrasses. Là. Et ne recommence plus. C'est promis. Et vous croyez que ça va la corriger? Pas un instant. Qu'est-ce que c'est, Sophie? Rien, monsieur. Ah bon? Mais qu'est-ce que vous voulez, Sophie? C'est une dépêche pour monsieur, madame. Eh ben, donnez-la à monsieur. Ben, comme madame m'avait ordonné. Oh, ben, mais c'est bien, j'ai changé d'avis. Eh ben, Sophie, qu'est-ce qu'il y a? C'est une dépêche pour monsieur. Pour moi? Une dépêche pour moi? Fonds égyptien en baisse. Ah oui, ben, ce n'est rien. Ouf, ben, j'ai eu peur. Ah ça, mademoiselle, mais comment se fait-il que vous remettiez à madame les dépêches qui me sont adressées? C'est que monsieur... je sais pas comment dire à monsieur. J'ai promis à madame... Enfin, madame m'a ordonné... Ah, parfait, elle vous a peut-être aussi donné de l'argent pour ça. Ah, monsieur sait. Quoi? C'est vrai? Oh, bon sens là, monsieur. Et combien, madame, vous a-t-elle donné? 20 francs, monsieur. Vous n'avez pas honte d'agir de la sorte? Dans quelle maison avez-vous vu une domestique recevoir de l'argent pour... Oh, c'est honteux. Tenez, voilà 30 francs. Hein? Vous rendrez à madame ses 20 francs et à l'avenir, vous remettrez tout à moi-même. Et autant que possible quand madame ne sera pas là. Oh, mais comme ça, monsieur, très bien. C'est bon, allez. C'est entendu, monsieur. Si même monsieur voulait aller jusqu'à 40 francs, tu remettrais les lettres de madame? Hein? Voulez-vous? Alors, on sonne, allez ouvrir. Oui, monsieur. Si c'est pour moi, vous prierez d'attendre, j'ai une dépêche à écrire. Allez! Oh, c'est encore heureux que j'ai surpris le complot à temps. Il aurait pu tomber telle ou telle lettre entre les mains de ma femme. Oh, c'est bien heureux. Entrez, monsieur. Oh, Dieu, quelle émotion. Oh, c'est véritablement quand on est éloigné des gens qu'on s'aperçoit de leur absence. Bon, allez prévenir votre maîtresse. Et qui annoncerai-je à madame? Aristide Thomereux. Ou plutôt, non, annoncez un ami retour de Batavia. De Batavia, ça doit être loin, ça. Bah, c'est de l'autre côté de l'eau. C'est bien ce que je disais. Dites-moi, ma fille, c'est vrai la nouvelle qui est venue jusqu'à moi? Quoi donc, monsieur? Il n'est plus, ce pauvre Robineau. Monsieur Robineau? Oh, voilà 2 ans. 2 ans. Et l'on dit que le temps efface le chagrin, pauvre ami. Il y a 2 ans, mais je le pleure encore. Vous ne le savez peut-être pas depuis longtemps. Non, depuis un quart d'heure. En descendant du chemin de fer, j'ai couru à l'ancienne demeure des Robineaux. Là, on m'a appris la perte de mon ami, un ami que j'aimais comme un frère. J'ai demandé l'adresse de sa veuve et me voilà. Oh, ça a été un rude coup pour moi. Et ici, alors? Ici? Oh, bien! On y est habitué. Ah, le voilà. Tel que je l'ai connu. Oh, c'est bien lui. Embelli? Eh bien, lui. Je vais prévenir madame. Oui, allez, c'est ça, allez. Mon pauvre ami. Je vais donc pouvoir épouser ta femme, maintenant. Je vais pouvoir prendre ta place sans te faire une saleté. J'aurais pu l'occuper de ton vivant, peut-être, mais j'ai préféré m'expatrier plutôt que de m'exposer à la tentation de tromper un ami que j'aimais comme un frère, car je t'aimais de toute la force de mon affection. Tu m'avais rendu un de ces services qui vous attachent pour la vie. J'allais me marier, une femme charmante qui m'avait offert sa main d'elle-même. J'allais convoler, tu es venu à moi et m'a dit « Ne l'épouse pas, je flaire que tu le regretterais. » Je ne l'ai pas épousée. Et 3 mois après, elle était mère. Oui, ce n'était pas par amour qu'elle m'avait offert sa main. Tu me suis toujours gré du service que tu m'avais rendu. Dès ce jour, je fus chez moi, chez toi. Tout ce qui est à moi est à toi. M'as-tu dit tout, excepté ma femme? Mais pourquoi juste excepté sa femme? Hélas, ça ne devait pas manquer. Oh, je peux bien te l'avouer maintenant. J'en devins follement amoureux, brusquement, sans savoir comment, par une journée d'orage. Il faisait chaud. Elle avait une chenille qui se promenait sur son cou. Elle me dit... Oh, enlevez-moi cette bête! Alors je m'approchais poliment, sans penser, mais son cou était là, avec des cheveux, un cou qui faisait papilloter mes yeux, un cou qui me paraissait long d'une lieue dans le vague. Alors un baiser m'a échappé, il paraît, parce que je ne m'en suis pas rendu compte. J'entendis la voix de notre Angèle dans un rêve. Oh, c'est bien mal ce que nous faisons là. Ça m'a fait peur. Je me suis sauvé comme un fou, mon cœur battait, j'ai pris un cachet d'antipyrine tout de suite pour envisager la situation nettement et le lendemain, j'acceptais un poste de consul à Batavia. Voilà, Robineau, ce que j'ai fait pour toi. Je suis parti, sans regarder en arrière, jusqu'à Batavia parce que j'étais un vrai ami pour toi. Je me disais, tu n'as pas le droit de songer à sa femme tant qu'il est là, mais ne te désespère pas. Robineau fait une noce carabinée, il y laissera sa peau, alors... Alors tu pourras reparaître, épouser sa femme sans remords. Ce n'est plus le bien d'un ami que tu déroberas, non, c'est sa succession que tu recueilleras. Et ça se fait dans les familles les plus unies. J'ai attendu, tu n'es plus, et me voilà. Oh, ça, quel peut être ce revenant de Batavia? Angèle! Vous! Oh, Angèle, quelle joie de vous revoir! Mais vous, mon ami, qu'êtes-vous devenu? Je me suis exilée parce que je vous aimais. Oh, mais t'aimez-vous? Et que je n'avais pas le droit de vous le dire. Angèle, comme c'est peu de choses, la vie. Mais pourquoi me dites-vous ça? Oh, par quelles épreuves il faut passer. Oh, le voilà, ce cher ami, pauvre femme. Avec quel culte vous gardez son image? Hein? Robineau? Mm-hmm. Ben parlons-en de lui, c'est un joli coco. Quoi? Vous avez cru comme moi que c'était un mari fidèle, un époux modèle. Jamais. Eh bien, il m'a trompé toute sa vie. Ah, ça, je vous conseille de le pleurer. Angèle, ce que vous me dites là me fait de la peine et en même temps me ravit de joie. Pourquoi? Parce que s'il en est ainsi, je puis dire que je n'aurai pas à souffrir de son souvenir, parce que si jamais vous faites une comparaison, elle ne pourrait être qu'à mon avantage. Mais comment? Mais à quel propos? À quel propos? Mais à ce propos qu'il n'y a plus d'obstacle entre nous, que je vous aime et que je viens vous dire, épousons-nous. Hein? Nous? Ah, mon pauvre ami! Qu'est-ce qu'il y a? Vous épousez vous? Mais il n'y a ça qu'un tout petit obstacle. Je le franchirai. Mon mari? Hein? Je suis remariée, mon pauvre ami. Allons donc, non, c'est une épreuve, n'est-ce pas? Vous n'auriez pas fait ça. Mais je l'ai fait. Oh, je n'en crois pas un mot. Eh bien, vous le demanderez à mon mari lui-même, car le voici. Ah, ça m'inquiète donc au salon. Ribadier! Tom heureux, toi à Paris! Oh, c'est Ribadier! Eh ben, qu'est-ce que tu as? Rien. Et tu vas bien depuis l'autre fois? L'autre fois? Non, il appelle ça l'autre fois, il y a 3 ans que je ne l'ai pas vu. Au fait, tu as su que j'étais marié. Voici ma femme. Laisse-moi te présenter. Oh, c'est inutile, monsieur Tomreux n'est pas un inconnu pour moi. Nous avions quelquefois l'occasion de le voir, j'avoue. Ah, sous le premier régime. Oui, au temps de ce pauvre Robineau. Ah, le voilà, ce pauvre ami. Hein. Qui l'eût cru, tout de même. Un si bon vivant. Oh, mes bons amis. Ouais. Lui, si plein de santé, quand on pense que... Je suis pas dans la note, moi. Et te voilà définitivement à Paris. Tu ne retournes plus à Batavia, je suppose. Oh, si. Comment si? En voilà une idée. J'ai éprouvé en arrivant une telle déception que ce que j'ai de mieux à faire, c'est de m'en aller. Allons donc, des déceptions. Oh, voilà une raison. Quelque histoire de femme, une infidèle qui t'aura oublié. Oh, elle n'a jamais rien été pour moi. Eh bien alors, il n'y a rien de perdu. Attends, ton tour viendra, je te le promets. Mais ça ne dépend pas de toi. C'est dommage, ce serait fait. Oh, brave ami, va. Les maris ont quelquefois la propos malheureux. En attendant, nous te gardons. Où sont tes bagages? Mes bagages, mais à l'hôtel de France et des Bains, je suis descendu. C'est bien, je vais les envoyer prendre et nous allons t'installer ici. Hein? Ah oui, j'ai tout un pavillon à ta disposition dans le jardin. Non, mais je ne souffrirai pas. Laisse donc. Mais il est fou de l'installer. Mais tu n'y penses pas, mon ami, mais il n'est pas habitable. Mais si, mais pour lui, ça n'a pas d'importance. Voilà ce qu'il y a, il est plein de cancres là. Oh! Oui, c'est ce qui m'empêche de le louer. Parce que, n'est-ce pas, pour des étrangers, mais pour un ami, c'est tout ce qu'il faut. Là, t'es bien égal, n'est-ce pas? C'est pas des pauvres cancres là parisiens qui font reculer un homme qui vient de Batavia. Oh là là, mais à Batavia, quand nous avions des cancres là, ce sont des scorpions. Des scorpions? Oui, qui ont même 30 cm de long, s'il vous plaît. Ainsi, ouais. Ils font chambre commune avec des scorpions de 30 cm. Imagines-tu des langoustes se promenant dans ta chambre? Oh, quelle horreur! C'est-à-dire qu'il va se croire entouré de bêtes à bon Dieu dans ce pavillon. Non, mais je t'assure, ce serait indiscret. Du tout. Je ne peux pas songer à le louer tant qu'il sera dans cet état. Aussi, c'est de bon cœur. Allons, je vais donner des ordres. Non, mais je t'assure, Si. Je n'ose vraiment pas accepter l'offre de Ribadier. Bah, vous avez raison. Et je vous prie même de ne pas l'accepter. Et pourquoi? Parce qu'après tout ce que vous m'avez dit tout à l'heure, après vos aveux à mots couverts, là, devant mon mari, après ce qui s'est passé entre nous, enfin... Mais il ne s'est jamais rien passé. Ben justement, si c'était passé quelque chose qui est fait, il n'y aurait plus qu'à laisser courir. Et puis s'il n'y a rien, nous avons pu sortir intacts l'un et l'autre d'un moment de défaillance... Enfin, je fais allusion au jour d'orage, vous savez. Ah oui, oui. Oui, ce jour-là, la femme est pleine de contradictions. J'aimais pourtant Robineau. Alors, mais l'égarement... Enfin, heureusement, vous avez déserté au moment psychologique. Mais j'aimais Robineau comme un frère. C'est votre timidité qui m'a sauvée. Oh, que de regrets. Aussi maintenant, il est inutile que nous continuions à vivre l'un près de l'autre. De ce contact de chaque jour... Il ne pourrait résulter qu'une contrainte pour moi, qu'une exaspération de vos sentiments pour vous. Ainsi, parce que vous avez épousé Ribadier au lieu de m'attendre, quand vous saviez que je vous aimais, il faut que je m'éloigne, que je m'exile. Non seulement la femme ne peut pas être à moi, mais il m'est même interdit de la voir. Mais c'est pour votre bien. Oh, me dites que c'est pour le bien de Ribadier. Alors le voilà, l'homme à qui je suis obligée de me sacrifier. Mais enfin, vous l'aimiez donc, vous l'avez épousé. Pas plus que ça, non? Alors pourquoi? Je ne pouvais pas rester veuve. Oh. C'est une position fausse, une période de transition. Ribadier me paraissait amoureux. Oh, oh, oh. Ajoutez à ça son nom, Ribadier. Bon, bah, si c'est pour s'appeler Ribadier. Oh, bah, ça y est pour beaucoup. Ribadier, Robineau, même initiale. Pas besoin de faire démarquer mon linge ni mon argenterie. Ah, c'est ça, c'est ça. Un mariage d'économie. Je connaissais le mariage d'amour, le mariage de raison, mais ce mariage-là, non, non, non, non. Qu'on épouse un homme parce qu'il a de jolies moustaches ou parce qu'il porte bien la toilette, je le comprends encore. Mais que ce soit pour ne pas démarquer son linge, ah non, non, ça j'avoue, c'est ça me dépasse. Enfin, voyons, calmez-vous. Mais j'aurais payé le démarquage, moi, je l'aurais payé, le mais démarquage. Mais puisque je l'aime maintenant, puisque je l'aime, enfin, tout est pour le mieux. Oh, vous l'aimez, c'est à moi que vous venez le dire. Elle n'est pas satisfaite de la blessure dont elle est cause. Il faut encore qu'elle y enfonce saison. Vous voyez bien qu'il faut que vous partiez. Oh, vous avez raison, j'arrive aujourd'hui de Batavia, et bien j'y retournerai. Quand ? Demain matin. Très bien. Quel voyage pour venir passer une soirée à Paris. Quant à mon mari, vous trouverez une raison pour expliquer votre départ précipité. Et maintenant, adieu mon ami. Adieu. Adieu pour toujours. Adieu. Angèle, Angèle, Angèle, au moins promettez-moi une chose. Personne n'est éternel ici-bas. Ribadier comme moi, nous pouvons disparaître d'un jour à l'autre. Non, mais... Si jamais ce malheur nous arrivait à l'un ou à l'autre, promettez-moi que vous m'écrirez immédiatement. Venez, je suis libre. Mais taisez-vous. Voulez-vous bien ne pas parler de choses pareilles? Oui, mais enfin, j'y compte, n'est-ce pas? Oh, tiens, adieu. Adieu. Adieu, elle me dit même pas au revoir. Ah, elle a raison, il vaut mieux que je regagne Batavia au plus vite, que je retourne à mes scorpions. Je n'ai rien à espérer ici. Elle aime son mari et elle lui sera fidèle. Oh, tiens, ma femme n'est plus là? Non, elle vient de me quitter. Eh ben, ça y est, j'ai donné l'ordre qu'on arrange le pavillon. Non, vois-tu, c'est inutile, laisse-moi m'en aller. Allons, voyons. Mais je crois que c'était entendu. Oh, t'as pas le désespoir gai, toi? Ben non, que veux-tu? Allons, c'est bon, nous nous chargerons de t'égayer. Rien ne peut plus m'égayer. À Paris, peux-tu dire ça? Paris me devient odieux. Enfin, est-ce que je suis pas joyeux compagnon? Ben si, mais... Et ma femme, n'est-elle pas charmante? Il n'y a rien à faire. Qu'est-ce que tu dis? Non, il n'y a rien à faire pour moi à Paris. Sapristi, j'oubliais que je parlais au mari. Non, je te dis que je veux m'en aller, là. Je veux retourner à Batavia. Oh, et puis au diable, tu m'embêtes, tu resteras là. Sapristi, on n'est pas stupide comme ça pour une femme. Si tu crois que c'est un moyen d'arriver à tes fins, au lieu de te désespérer, attaque donc, marche. Elle viendra pas te chercher dans ton coin. Elle viendra pas me chercher du tout. Eh bien, c'est ce que je dis. Tiens, tu ne connais rien aux femmes, toi. Veux-tu me donner ta procuration? Non, mais rien que pour te montrer. Bon. Tu verras comme je mène une campagne. Je m'abouche avec la dame, je l'étudie, je la tâte. Ah non, non, ne me dis pas que tu la tâteras. Ah, je la tâte, je la tâte, je tâte le terrain. Qu'est-ce que tu vas comprendre? Je trouve le défaut de la cuirasse et je t'enlève ça tambour battant. Oh, tais-toi, tiens, tais-toi, Oh non, mais dis tout de suite que tu te méfies de moi. Tu as peur que je te souffle ta dulcinée. Moi? Toi? Mais je t'assure que c'est pas une coutume chez moi. Il y a 6 ans que je t'ai supplanté auprès de Mimi Marjolin. C'est vrai, mais Mimi Marjolin, n'est-ce pas une farceuse? Tu m'as supplanté, toi? Bah comment, tu le savais pas? Non, il ne me l'a jamais dit. Oh, bah je croyais. Dis donc, je la trouve mauvaise. Mais qu'est-ce que ça te fait, puisque tu n'es plus avec elle? Bah, tiens, ça m'est désagréable. Qu'est-ce que tu dirais si après avoir bu un bon verre de quelque chose, on venait te dire, eh bien maintenant, je peux bien vous l'avouer, le domestique avait craché dedans. On a beau avoir fini de boire, c'est dégoûtant. Oh bah dis donc, je te remercie de ta comparaison. Non, bah c'est pour dire. Oh, tu marchais dans mes plates-bandes, toi, bah mon vieux, si je peux, va. Alors, c'est entendu, tu me donnes ta procuration? Mais tu es fou, tu es marié d'abord. Quand on est marié, on s'occupe de son ménage et pas d'autre chose. Napoléon dictait à 2 secrétaires à la fois. Oui, mais tu n'es pas Napoléon, toi. Ah ça, Madame Ribadier n'est pas jalouse. Pas jalouse, elle? Oh, Dieu saint, vous l'entendez, mais elle aurait inventé la jalousie. Ah, elle est bien gentille, mais elle me rend parfois la vie bien insupportable. Alors, tu n'es pas heureux? Oh, ma foi, pas toujours. Pas heureux, il n'est pas heureux. C'est vrai que le malheur des uns fait le bonheur des autres. Et dire qu'autrefois, elle était si confiante, si crédule. Enfin, puisque tu allais chez eux, autrefois, Robineau a dû te le dire. Oh, souvent. Dieu sait qu'il lui en a fait voir de toutes les couleurs. Enfin, quand je dis « il lui en a fait voir », il lui en a fait, et il ne les lui a pas fait voir. Ah bah oui, il a fallu que cet imbécile de Robineau... Ne dis pas imbécile, je l'aimais comme un frère. Soit, bah je dirais pas imbécile, je dirais ton frère. C'est ça. Mais il a fallu que ton frère, Robineau, laissa dans ses papiers un inventaire de tous les trucs qu'il employait pour tromper sa femme. Alors? Alors ça a ouvert les yeux d'Angèle sur le compte de Robineau et de tous les maris en général. Et ce qu'il y a de plus terrible, c'est que si elle surprenait jamais quelque chose, je la connais. C'est une femme vindicative. Elle me le pardonnerait pas. Tiens. Et elle serait capable de m'infliger la peine du talion. Il me dit tout ça à moi. Oh oui, tu ne peux pas la tromper. Non, mais je n'irai pas jusqu'à dire ça. Mais ce qu'il me faut de précaution, tiens justement, en ce moment-ci, J'ai un petit roman en train. Bien, bien. La femme d'un négociant en vin, une brune charmante. Mais comment trompes-tu la surveillance de ta femme puisqu'elle est initiée à tous les trucs? Mais je ne trompe pas sa surveillance. Je l'endors, sa surveillance. Non, mais encore... Ah, ben voilà. J'ai mon système qui ne ressemble en rien au truc inventé de Robineau. Il avait des moyens d'amateur. Mon moyen, à moi, relève de la science. Je comprends pas. À ma prochaine expérience, je te convoquerai. Avec plaisir. Mais pour cela, il faut que tu restes. Que tu ne retournes pas tout de suite à Batavia. C'est convenu. À la bonne heure. Oh oui, je reste. Je crois bien que je reste. Et Angèle n'aura rien à me reprocher. C'est son mari qui me fait violence. Le pavillon est prêt. Ah bien, c'est prêt. Si tu veux voir tes appartements... Mais volontiers, j'en profiterai pour me verser un peu d'eau sur les mains. Sophie va te conduire. Oui, monsieur. Voilà une dépêche qui est arrivée au cercle pour monsieur et qu'un chasseur vient d'apporter. Merci. Je ferai remarquer à monsieur que l'armée à lui-même. Mais je m'en serais pas douté si vous ne me l'aviez pas dit. Si monsieur veut venir... Oui, à tout à l'heure. Oui. Voyons ça. Thérèse Savinet. C'est d'elle. Hein, tout de même. Si cette dépêche avait été remise à ma femme, on côtoie tout le temps des précipices dans la vie. Bébé. Bébé, c'est moi. Bébé, mon mari a été appelé brusquement en Bourgogne pour acheter une récolte sur pied. Ma soirée est libre, j'ai donné campo au domestique, je t'attends à 9h. Sapristi, 9h. Il est 8h30. Oh, j'ai pas de temps à perdre. Ma femme, elle arrive bien. Je n'ai que le temps d'appliquer le grand moyen. Ton ami est parti? Oui. Il a regagné le pavillon. Eh ben, tu ne me regardes pas? Tu m'en veux donc toujours? Moi? Oh non. Je sais très bien que tu ne me trompes pas. Mais regarde-moi donc dans les yeux. Là. Les mains dans les mains. Est-ce que j'ai l'air d'un mari qui te trompe? Est-ce que je te regarderais comme ça si je te trompais? Mais tu vois donc pas que je t'aime. C'est vrai. Tu m'aimes. Mais oui, je t'aime. Angèle, dont les yeux deviennent fixes sous l'impression de la suggestion, tombe dans un fauteuil. Ça y est. Le système Ribadier. Ça n'est pas dans ton recueil, ça, mon vieux Robineau. Oh, mon cher, je serai très bien par là. Ah, tant mieux, je sors. Tu descends avec moi? Moi, je... Oh, mon Dieu, Angèle, madame, ta femme... Mais fais pas attention. Mais regarde donc, qu'est-ce qu'elle a? Eh ben, c'est le système Ribadier. Hein? Elle va dormir comme ça pendant mon absence, et quand je reviendrai, je souffle dessus, elle s'éveille, et ni vu, ni connu. Oh, le gueux! Eh ben, mais qu'est-ce que tu fais? Eh ben, je ferme à cause des domestiques. Et puis je baisse la lampe pour ne pas attirer l'attention du dehors. Allons, viens! Oui, voilà, voilà. Dis donc, tu vas fermer ici aussi? Ah bah tiens, à plus forte raison. Oh, diable, diable. Oh, la fenêtre! Eh bah, où vas-tu? Mais je vais chercher ma canne que tu as déposée là. Il prend sa canne et en même temps fait jouer l'espagnolette de la fenêtre qui se trouve ouverte. Eh bah, tu viens! Oui, voilà, voilà, voilà. Après tout, lui n'est qu'un ami. Je ne l'aime pas comme un frère. Toujours endormie, est dans la position où nous l'avons laissée. La lampe est toujours baissée. Tout à coup, sur la fenêtre éclairée par le clair de lune, on voit se dessiner une silhouette et Gussement paraît. Sophie n'a pas oublié, elle a laissé la fenêtre entrouverte. D'ailleurs, pour une question d'amour, une femme n'oublie jamais. Il s'agit d'enjamber maintenant. Oust ! Oh, allons, bon, il y a quelque chose qui a craqué. Je me suis accroché. Oh, ben, s'il y a une déchirure avec une bonne reprise. Pristil fait noir ici. Tiens, pourtant la lampe n'est pas complètement éteinte. Il se dirige vers la lampe sans voir le fauteuil où dort Angèle et se cogne dedans. Oh ! Qu'est-ce que c'est que ça ? J'ai touché quelque chose de chaud. Oh, mon Dieu, c'est peut-être la chienne qui s'est glissée dans le salon. Eh ben, c'est encore heureux qu'elle m'ait pas mordu pour m'apprendre à lui tirer les poils. Tiens, la fenêtre est grande ouverte. Je ne l'avais qu'entrebâillée. Il y aura eu un coup de vent. Pas que ce soit le vent ou pas le vent, l'heure est propice et les instants sont courts. Allons-y! Oh, je voudrais dire que mon cœur ne bat pas, je mentirais. Il me semble que j'ai un mouvement de pendule dans la poitrine. Allons, allons, voyons, pas de faiblesse. 9h, c'est l'heure du crime à Batavia. Chaud, la chaud, Tomreux, chaud. Eh ben voilà, je joue les Roméo, moi, enfin j'escalade les fenêtres. Je les escalade quand elles ne dépassent pas le rez-de-chaussée, parce qu'au-dessus, dame, avec ça que Roméo serait amusé si Juliette avait eu son balcon au 5e au-dessus de l'entresol. Il remonte la mèche de la lampe, il la prend et descend en passant entre le fauteuil et la table. Il s'arrête un instant pour contempler Angèle. Oh, si Ribadier me voyait. Ça m'embêterait s'il me voyait, parce qu'il n'y a pas à dire, mon bonhomme, ça a un nom ce que je fais là, ça s'appelle une crasse. Quand un ami vous donne l'hospitalité, il est mal vu d'aller lui prendre sa femme. C'est mal vu, je sais bien, mais ça se fait beaucoup. Non, la seule chose que j'ai à dire, c'est que je l'aime et qu'elle est belle. Regardez-la. Est-elle assez jolie, hein? Un vrai Greuze, par Chaplin. Et je résisterai. Non, non, non, non, il n'y a pas d'amis qui tiennent. Et Ribadier peut venir, je lui dirai. Ne m'accable pas avant de m'entendre. Un seul mot m'excusera, j'avais envie de ta femme. Oh, Angèle, mon Angèle. Oui, oui, oui, oui, c'est moi, ne me repoussez pas. Quoi? Je suis bête, elle dort, elle ne m'entend pas. Angèle, Angèle. Angèle! Sapristi, elle dort comme un sapeur, je ne puis pourtant pas lui faire ma déclaration sans la prévenir. Angèle! Oh, Angèle! Mais non, il n'y a pas. À moins de tirer des coups de revolver, et encore ça ne la réveillerait pas, et ça ameuterait la maison en endommageant le plafond. Oh, mais non, mais je suis bête, mais j'ai le moyen, mais Ribadier me l'a donné tout à l'heure, il pense à tout Ribadier, mais oui! Je souffle dessus. Elle se réveille et ni vue ni connue, le voilà le moyen, souffler. Eh bien, je vais faire comme il m'a dit, je vais lui souffler sa femme. Angèle, Angèle, Angèle. Où suis-je? Oh! Mon Dieu, je me suis encore endormie. Angèle, mon Angèle. Vous? Vous ici? Oui, c'est moi. Ne me repoussez pas, je suis un grand coupable, mais au diable les préjugés de la société. Angèle, je vous aime. Mais vous êtes fou, que faites-vous? Où est mon mari? Ne vous inquiétez pas, votre mari est loin et le ciel nous protège. Mais loin, où est-il allé? Chez le marchand de tabac, il n'avait plus de cigares. Au nom du ciel, relevez-vous, il peut revenir, le bureau de tabac est à côté. Non, nous avons le temps, il est allé à la régie, à côté les cigares ne sont pas frais. Angèle, je vous en supplie, écoutez-moi. Mais vous perdez la tête, enfin je n'écoute rien. Si, laissez-vous aller aux sentiments que vous dicte votre cœur, n'écoutez pas les raisonnements surannés de votre conscience, je vous aime, vous m'aimez. Mais moi, mais je ne vous aime pas. Si, vous m'aimez. Songez qu'autrefois, sans ma timidité, enfin, vous me l'avez dit. Mais jamais mon cœur n'y était pour rien. Je ne vous aimais pas, c'était la chair seulement. Eh bien, je ne vous en demande pas plus. Angèle, je vous aime. Laissez-moi, Tomreux, je ne veux pas. Oh, vous, l'ami, l'hôte de mon mari, c'est infâme ce que vous faites c'est là. C'est infâme, oui, c'est infâme, mais c'est humain. Angèle, mon Angèle. Laissez-moi, oh, mais quelle monstrueuse pensée avez-vous donc? Vous ne vous êtes donc pas dit que vous commettiez là une horrible félonie? Aussi, je me le suis dit 10 fois, 20 fois. Eh bien, la 20e, j'y étais habitué. Oh, c'est affreux, vous qui m'avez donné votre parole, vous qui m'avez promis de retourner à Batavia. Retournez à Batavia. Elle me demande de retourner à Batavia quand j'ai de l'amour plein le cœur, quand je déborde. Ah, vous ne l'espérez pas. Eh bien non, je ne m'en irai pas à Batavia. Oh là là là là, avez-vous dû me tenir en assez piètre estime quand j'y suis allé à Batavia? Mais au contraire, j'avais dit voilà un brave garçon. Oui, c'est ce que je dis, un bon imbécile. Oui, oh, je sais ce que parler veut dire, mais du moins cette fois-ci j'avais une excuse, Robineau, que j'aimais comme un frère. C'est pour lui que je suis parti. C'est pas une raison, madame, pour que je le fasse pour tous ses successeurs. Ça m'a bien réussi, oui, d'aller là-bas. Ça a permis aux malins de profiter de mon absence pour s'emparer de la place. Et quand je suis revenu, elle était prise, la place. Vous vous étiez remarié pour ne pas démarquer votre linge. Vous saviez que je vous aimais. Vous deviez être à moi. C'est mon bien qu'il m'a pris. Mais Tomreux, je le reveux à présent, mon bien, là. Je ne sais pas si le droit est pour moi, je m'en fiche. La loi peut me condamner, je ne sais qu'une chose, c'est qu'on m'a lésée, que je suis spoliée, que je veux reprendre ce qui m'appartient. Mais t'amourais, enfin, je vous en supplie. Je te dis que je t'aime, m'entends-tu? Oh, mon cœur déborde et les flots de poésie me montent au cerveau. Je me sens poète. Vous? Oui, poète, oui. Si je vous le disais pourtant que je vous aime, qui sait, brune aux yeux bleus, ce que vous en diriez? L'amour, vous le savez, cause une peine extrême. Mais êtes Musset? Vous croyez, c'est possible. Je n'ai pas dit que ce fût de moi seul. Ah bon? Musset l'a écrit, moi je l'ai pensé. Angèle, Angèle, dites-moi que vous m'aimez. Ah ben oui, mais à une condition. Oui! Vous voulez de mon amour? Oui! Oui, eh bien, à vous de le gagner. Et quoi je puis espérer? Oh! Oh, ma vie, s'il le faut! Demandez-moi de me tuer devant vous, si vous devez m'appartenir après. Je ne vous en demande pas tant. Retournez à Batavia. Voilà tout. Voilà tout. Elle appelle cela voilà tout. Des continents, des mers, tout cet espace entre nous. Ça me donnera la mesure de votre amour. Je ne mesure pas mon amour au kilomètre! Oh, Tomereux, vous ne m'aimez pas! Mais si, je vous aime, mais si, je vous aime. Mais c'est même pour ça que je ne veux pas m'en aller, mais vous ne pensez donc pas ce que vous me demandez là, m'exiler là-bas, me forcer à aller me ronger aux 100 000 diables, en attendant quoi? Que mon tour arrive? En être réduit à souhaiter la disparition d'un homme? D'un honnête homme. Un homme qui, vous avez beau dire, est mon prochain, après tout, eh bien non, non, non, non, ma conscience se révolte à cette idée. Plutôt que d'attendre qu'il ne soit plus pour... Oh Dieu, j'aime autant mieux lui prendre sa femme tout de suite et qu'il vive. Oh, mais Tomereux. Sans compter qu'on ne sait jamais ce que ça dure, un mari. Oh, oh, oh, oh, mon pauvre Ribadier. Là, vous voyez bien que vous êtes ému. Oh. Mais est-ce que je n'ai pas raison, voyons? Est-ce que ça ne sera pas bien plus charmant ainsi? Nous nous arrangerons une bonne petite existence à nous trois. La vie calme, de ménage, tout ça, bien à sa commodité, naturellement, parce qu'il ne faudrait pas qu'il en souffrît, le pauvre garçon. Et nous le dorloterons, nous le cajolerons. Ce sera le plus heureux des hommes. Nous le tromperons tous les deux et nous nous aimerons tous les trois. Ne sera-ce pas le paradis? Vous êtes fou, mon ami. Oh, mais que vous êtes drôle, mais je ne comprends pas vos scrupules. Mais les femmes les plus honnêtes ont fait ça. Stop. Parfaitement. Seulement, on ne l'a pas su, voilà tout. Mais l'histoire fourmille de ces héroïnes qui avaient su concilier leurs devoirs avec leurs penchants. Mais même dans l'histoire sainte, vous avez les principes religieux, vous. Eh bien, l'histoire sainte est pleine de ces exemples. L'histoire sainte? Oh non, ben un exemple, dites-moi un. Mais Mars et Vénus tenaient sous le nez de Vulcain. Oh, il appelle ça l'histoire sainte. Et puis, nous perdons un temps précieux, vous m'entretenez de paroles pour gagner du temps. Je vous dis que je vous aime, que je vous aime. Oh, oh, oh, ma passion s'exaspère. Ça, taisez-vous. Tomereux, laissez-moi. Non, non, non, je ne te laisse pas. Arrive ce que voudra. Ça, finissez où j'appelle. Ça, oh, oh, fermez. Fermez, oh, fermez aussi. Pas de clé. Non. Enfin, qu'est-ce que ça signifie? C'est une infamie. Tomereux, je vous ordonne d'ouvrir. Non. Non, ah, c'est trop fort. Ouvrez, je vous dis. J'ai pas la clé. Hein? C'est votre mari qui vous a enfermé. Mon mari, pourquoi? Ah, ça, c'est l'escret d'en haut. Eh bien, il me reste la fenêtre. Angèle, Angèle, vous ne ferez pas ça. Si. Non. Ça. Oh, oh, Dieu, mais qu'est-ce qu'il fait dans mon mari, chez le marchand de tabac? Angèle, Angèle, Angèle, mon Angèle! Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le timbre de la porte cochère. Deux coups, c'est mon mari. C'est son mari, deux coups. C'est son mari qui revient comme il a été vite. Oh, nous sommes perdus. Bah, qu'est-ce qu'il vous prend? Rien, rien. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mais qu'est-ce qu'il fait, d'où? Il lutte contre la porte comme pour empêcher quelqu'un d'entrer. Ah ben, nous sommes bien, nous sommes bien, nous sommes bien. Enfin, qu'est-ce que vous avez à courir comme ça? Mais je ne cours pas, j'envisage une situation. Vous avez une drôle de façon d'envisager. Oh, qu'est-ce qu'il va dire quand il la trouvera réveillée, lui qui l'avait si bien endormie, il comprendra tout. Oh, quelle idée, je vais l'endormir. Angèle, Angèle, venez ici. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Regardez-moi bien dans les yeux. Oh, vous êtes drôle comme ça. Mais non, non, non, je ne suis pas drôle, ne riez pas et regardez-moi bien. Et ben, et après? Après, vous ne sentez rien? Ah si, je sens... Elle sent. Oui, comme une odeur de cosmétique. Une odeur de cosmétique? Mais non, ça sent mes cheveux, là. Oh, là, là, mais je vous parle intérieurement, vous ne sentez rien? Qu'est-ce que vous voulez que je sente? Elle ne sent rien, mais essayez. Mais essayez quoi? Mais de sentir, allez. Non, je peux pas, j'ai pas le fluide. Mais enfin, vous voulez vous en venir? Au nom du ciel, Angèle, faites ce que je vous dis, asseyez-vous là, dans le fauteuil. Quand votre mari entrera, faites semblant de dormir et ne bougez pas qu'il ne vienne lui-même vous réveiller. Hein? Mais que signifie? Non, je vous le dirai plus tard, mais quoi que vous entendiez, pas un geste, pas un cri, rien, je vous en supplie. Il y va des conséquences les plus graves. Il baisse la lampe. Mais qu'est-ce que vous faites? faites? Je rétablis la mise en scène et maintenant je me sauve. Pas un mot, vous entendez? Pas un mot. Dormez, je le veux. Il enjambe la fenêtre et disparaît. Dormez, dormez, mais il est fou. Mais qu'est-ce qu'il a? Oh, il se passe ici quelque chose d'anormal. Ça, c'est mon mari, et il n'est pas seul. Ouh, ma foi dormant. J'aurais peut-être comme ça la clé de cette énigme. Et enfin, monsieur, allez, c'est bientôt fini. Je vous dis que j'entrerai. Non. Mais si. Mais sapristi, qu'est-ce que vous voulez? Enfin, je vous tiens. C'est bien, attendez. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Angèle dort toujours, je suis tranquille. À ça, me direz-vous ce que vous me voulez, monsieur? Je ne vous connais pas. C'est bien, monsieur, ne criez pas, je dois vous dire ce qui m'amène. Mais d'abord, faites sortir mademoiselle votre fille. Mais où ça, ma fille? Là, c'est ma femme. Eh bien, faites sortir votre femme. Ce que j'ai à vous dire ne peut être entendu que de nous. Vous pouvez parler sans crainte, monsieur. Ma femme dort, et quand elle est dans cet état, on pourrait tirer le canon à côté d'elle qu'elle n'entendrait pas. N'ayant pas de canon sur moi, je ne puis en faire l'expérience, mais du moment que vous me l'assurez, monsieur, je n'irai pas par quatre chemins. Un mot vous dira tout. Je suis monsieur Savinet. Aïe. Savinet. Mais monsieur, ça ne me dit rien du tout. Ah, moi non plus. Ça ne vous dit rien. Alors je vais être plus explicite, monsieur. Vous êtes l'amant de ma femme. À ce mot, Angèle bondit sur sa chaise. Elle semble vouloir sauter sur son mari, mais se ravise et retombe sur son fauteuil. Moi, monsieur? Oui, vous. Misérable. C'est vous qui étiez tout à l'heure chez madame Savinet, quand je suis arrivé inopinément. Vous qui, en m'entendant, vous êtes revêtu à la hâte. Et vous êtes enfui par le salon pendant que j'entrais par le couloir. Mais pas assez vite pour que je ne puisse m'élancer sur vos traces. Canaille, canaille, canaille. Et monsieur, je ne sais ce que vous voulez dire. Si madame votre femme a un amant, ce n'est pas moi. Vous vous serez trompé de piste dans la rue. En vérité. Alors monsieur, comment se fait-il que vous ayez mon chapeau tandis que j'ai le vôtre? Tenez, voilà, voilà. Vous vous êtes trompé de chapeau dans l'antichambre, monsieur. Eh bien, oui. Là, monsieur, trêve de mensonge. C'est moi qui étais chez madame Savinet. Allons donc, c'est ce que je voulais vous faire dire. Ouh, je l'étranglerai. Enfin, monsieur, où voulez-vous en venir? Où je veux en venir? Il demande où je veux en venir. Mais monsieur, vous m'avez couvert de ridicule. Permettez. Si, si, je sais ce que je dis. Un mari trompé est toujours ridicule. Je ne sais pas si madame votre femme vous a mis en état de l'apprécier. Ah, oh, mais pardon, oui, monsieur. Oui, oui, vous n'en savez rien, elle ne vous l'a pas dit. Eh bien, monsieur, je ne suis pas un homme d'épée, moi. Je suis marchand de vin. Mais retenez bien ceci. Si jamais vous dites à qui que ce soit que vous êtes l'amant de ma femme, je vous tuerai. Hein? Parfaitement. Je ne tiens pas à me battre, moi. En somme, pour qui se bat-on? C'est pour la société. Eh bien, du moment que la société n'est pas au courant... Ah, ça, c'est assez juste. Donc, tout ce que je vous demande, c'est qu'on ne sache rien. Dans quelque temps, je divorcerai d'avec ma femme et personne ne sera douté de la vérité. Je vous le répète, je suis marchand de vin et je ne veux pas d'un scandale qui me causerait le plus grand préjudice dans mes affaires et me déconsidérerait à Bercy. Ah, vraiment, ça vous... À Bercy? Oh, oh là là là là, vous ne le connaissez pas. Ah, mais un marchand de vin qui serait soupçonné d'être... Oh, mais il ne tiendrait pas 8 jours. Ah bah... Oh. Donc, monsieur, j'exige votre silence. Ma galanterie vous en répondait. Et puis enfin, c'est bien simple, monsieur. Si vous dites un mot, je vous tuerai. D'accord, monsieur. Mais enfin, vous me dites toujours « je vous tuerai ». Pourquoi ne supposez-vous pas l'hypothèse contraire? Non, monsieur, vous n'en avez pas le droit. Ça, mais il ne s'en ira donc pas. Ce sont là nos prérogatives à nous autres, maris offensés. Il faut bien que nous en ayons quelques-unes. L'amant a le devoir de se laisser le tuer s'il tient à montrer qu'il sait vivre. C'est ce qui me permet de vous dire, sans être fort aux armes, que je vous tuerai. Ah. Tout en parlant, il a versé 2 petits verres de cognac du service à liqueur. Mais permettez, non, s'il n'y en a qu'un qui a le droit de piquer, ce n'est plus un duel, c'est une opération chirurgicale. Je le répète, monsieur, mais c'est la règle. Tenez, buvez. Merci. Ah, il est bon votre cognac. Vous trouvez? Ah oui, très bon. Pas tout pur cependant, hein? Non, il y a de l'armagnac. Ah. Qu'est-ce que vous payez, ça? 8 francs. 8 francs? Oh, oh, oh, oh, ce qu'ils doivent gagner. Oui, elle dort toujours. Mais pour 6 francs, moi, je me charge de vous avoir une fine champagne aussi bonne que ça. En vérité? Oh, absolument. Voulez-vous en essayer? Si elle ne vous convient pas, je la reprends. Il me reste justement quelques pièces. Mais dépêchez-vous. Je ne dis pas non. Je lui dois bien ça. Comment, il va lui vendre du cognac à présent? Oui, vous m'en direz des nouvelles. Alors, voyons, nous disons, monsieur... Ribadier. Ribadier. Oui, bon, est-ce ma femme doit savoir votre nom? Enfin, du moins, je le suppose. Ribadier, une pièce fine champagne 65. Sera payable à votre choix, comptant avec 5% d'escompte ou à 90 jours sans escompte. Non, mais je vous en prie, à votre commodité. On n'est pas plus aimable. Oh, il est épique. Eh ben, voilà qui est fait. Alors, monsieur, c'est convenu. Parfaitement. Si vous dites un mot, je vous tue. Hein? Oh, pardon. Pardon, je n'y étais plus. C'est convenu. Toujours à vos ordres, monsieur. Mais pardon, je vous reconduis. Trop aimable. Oh, c'est une femme du musée Grévin, cette femme-là. Oh, très joli ce portrait. Un Rubens. C'est un de vos parents? Ça, c'est le mari de ma femme. Tiens, vous êtes deux. Comment deux? Mais non, c'est le premier mari. Ah, c'est le... Vous n'êtes que le second. Oh, ben moi, je n'aimerais pas ça. Pourquoi donc ça? Oh, ben tiens, parce que pour le second, c'est un peu comme le dîner des domestiques. Ça a déjà passé à la table des maîtres. Mon Dieu, monsieur, chacun dîne comme il peut. En tout cas, j'aime encore mieux être à ma place qu'à la sienne. Oh, des goûts et des couleurs. Voilà un malheureux. En sortant, il touche du doigt la figure d'Angèle. Ah ouais, elle est vraie. Allons, monsieur. Tenez, monsieur, par ici. Parfaitement. Ah, dites donc, elle a le sommeil rudement dur, votre femme. Ah, et puis vous savez, si vous avez besoin, par hasard, d'un bon pont tecanais, alors là, j'en ai une excellente occasion et j'en ai un qui est là. Mais alors, je vous le raconte. Oh! Oh! Oh! Oh, la canaille! Oh, la canaille! Oh! Oh, je ne sais pas comment j'ai fait pour me contenir jusqu'à présent. Comment je ne l'ai pas étranglé 10 fois. Oh, la canaille! Oh, la canaille! Oh! Oh! Oh, ça me fait du bien de m'épancher. Le voilà dans son marchand de tabac. C'était la femme de cet imbécile qui lui vend du cognac. Oh! Oh, il sera exécrable, son cognac. Évidemment, il profitera de la situation pour lui écouler ses alcools les plus avariés. Mais ce sera bien fait. Et je le forcerai à l'avaler jusqu'à la dernière goutte, son cognac. Ah! Ah, tu vas voir de quel bois je me chauffe, mon bonhomme. Au revoir, monsieur. Au revoir. Au revoir. Oh, oh, le bon type. Si vous dites un mot, je vous tuerai. Tararaboudillé, tararaboudillé. Ah, je vais la réveiller. Ah, je vais vous en donner, moi, du tararaboudillé. Ma femme! Ta femme, oui. Éveillée, elle est éveillée. Ne vous attendiez pas à me trouver là, à ce qui paraît. Hein, non, si, mais comment a-t-elle pu s'éveiller? Ah, misérable! Oh, perfide! D'où viens-tu, hein? Hein? Ose donc le dire d'où tu viens. D'où je viens? Tu veux savoir d'où je viens? Eh bien... Tu mens? J'ai encore rien dit. Je vais te le dire, moi, d'où tu viens. Tu viens de chez ta maîtresse, Madame Savinet. Madame Savinet? Mais, oh, vous savez très bien de qui je veux parler, son mari sort d'ici. Qui? Mais qui? Le monsieur qui était là tout à l'heure? Oui, cet idiot. Oh, ça c'est très drôle. Et alors tu crois que je suis l'amant de sa femme? Si je le crois. Oh! Ah non, mais ça c'est une trouvaille. Oh, que c'est amusant! Ah, et puis ne ris pas comme ça, tu as l'air d'un crétin. Ah, bah merci. Non, mais à ça, t'as donc pas compris tout de suite? Quoi? Elle a pas compris, la pauvre chérie. Ça, mais dis-moi donc, est-ce que tu vas nous jouer une comédie? Une comédie? Eh bien, justement, tu y es. C'est une comédie que nous répétons pour le cercle. Parce que l'homme que tu as vu tout à l'heure... Savinet, oui. Oui, eh ben non, il ne s'appelle pas Savinet. Voilà ce qui trompe, il s'appelle Baliveau. Oh. Ah oui, c'est un des membres de mon cercle et dans la pièce, il fait le rôle de Savinet. Le mari trompé et moi, je fais l'amant. Alors, je voulais pas, mais le président m'a dit, si, il n'y a que vous qui avez du physique. Oh, vraiment? Alors, c'est toi, l'Antinoüs du cercle? C'est moi, l'Antinoüs, comme tu dis. Ah, ben, ça donne une fière idée de la beauté des autres. Hein. Mais c'était une pièce, cher ami, c'était une pièce. Ah, c'est donc ça. Il me semblait aussi que par moments, c'était en verre. Ah, mais tout le temps, cher ami, tout le temps, en verre, superbe. Mais vous aurez là un gros succès. Ah. Il y a certaines scènes, c'est vécu. Oh, je crois bien, ben, je croyais pas que ça passerait si facilement. La scène, par exemple, où le mari reçoit de l'amant une commande de cognac. Ah oui, oh oui, oh, très drôle, c'est le clou, ça. Nous y comptons beaucoup. Comment est-ce donc? Hein? Quoi? La... Oui, dis-moi les verres. Les verres, cher ami? Tu veux que je te dise les verres? Ah bah oui. Ah bah c'est que je n'ai pas fabriqué des verres, moi. Ah bah voilà. Eh bien, alors, Savinet s'avance et dit ta chose... Maman? Oui, oh, comme t'as la mémoire des noms. Quelle fichue idée j'ai eue de lui dire que c'était en verre. Eh ben, qu'est-ce que tu attends? Mais, cher ami, je cherche le fil, tu comprends? Des verres. oui, alors voilà. Alors, Savinet se versant un verre de cognac et buvant. Il est très bon, monsieur, votre excellent cognac. Mais il n'est pas tout pur. Il y a de l'armagnac. Oui, en effet, je me rappelle, il a parlé de ça. N'est-ce pas, hein? Eh ben, mais armagnac et cognac, c'est pas trop mal. Ben, continue. Voilà. Combien le payez-vous, moi? Mais 8 francs la bouteille. Savinet, c'est cher, mais je pourrais, et qui vient de ma treille, vous fournir à 6 francs une excellente fine champagne. J'en ai justement encore 2 ou 3 pièces. À ma campagne. Ah, très joli, très joli. Le dernier vers, surtout. N'est-ce pas? Il est long. Ah oui, c'est un vers long. Ah, c'est parce que c'est la fin de la tirade. Ça, je me reconnais pas, hein. Je fais des vers, je suis poète. Et quelle est ta réponse à son offre de cognac? Eh ben, qu'est-ce que tu voulais que je lui réponde? J'en ai pris un fût. Hein? Ah ben, dis donc, c'est pas en verre, ça. Mais si, seulement je te donnais l'idée générale. Mais c'est en verre, oui. Si j'en veux du cognac, ah, parbleu, je crois bien. Expédiez-moi tout de suite une pièce. Nom d'un chien. Ah, c'est charmant. Et de qui est cette belle pièce? Ça, de Rostand, cher ami de Rostand. T'as pas reconnu la facture? Pas du tout. Ah, bah pourtant, c'est bien reconnaissable. Oui, là. Ainsi, c'est une pièce. Une pièce que vous répétez. Ah, c'est bien. C'est tout ce que je voulais savoir. Eh bien, où vas-tu? Nulle part. Ah. Ouf. Quelle affaire. Réveillée. Elle était réveillée. Mais comment? Elle n'a pas pu se réveiller toute seule. Ça ne lui est jamais arrivé. Quelqu'un se sera donc permis... Oh, le gratin, le misérable! On peut entrer? Ah, mon ami, entre. Son ami, il ne sait rien. Oh, si tu savais ce qui m'arrive, ma femme qui a été réveillée pendant mon absence. Non, si! Oh, tu ne me feras jamais croire ça. Et par qui, je te le demande? Oh, Dieu, la fenêtre ouverte, c'est par là qu'il est entré. Qui? Mais le polisson qui m'a réveillé ma femme. Oh, je voudrais le tenir comme je te tiens, le misérable. Mais là, tu me fais mal. Oh, mais je le retrouverai et je te jure qu'il passera un mauvais quart d'heure. Ah, décidément, je crois que je ferais aussi bien de retourner à Batavia. Songe donc, à cause de lui, ma femme a tout entendu. Oh, que j'ai dû faire des vers. Ah. Oh, non, mais tu vois ce que ça peut être, des vers faits par un ingénieur. Il y en avait trop courts, il y en avait trop longs. Bah, ça faisait une compensation. Non, c'est égal, on a bien raison de dire que tout homme a au fond de soi un poète qui sommeille. Permets, on n'a jamais dit un poète, on a dit un cochon. Tu crois? Enfin, je savais bien que c'était quelque chose comme ça. Je ne comprends pas un mot de ce qu'il me raconte. Ah, je m'en souviendrai de celle-là. Ah, oh, monsieur. Ribadier bondit et pousse le verrou de la chambre d'Angèle. Hein? Lui? Vous? Mais qu'est-ce que vous venez faire? Il faut que je vous parle, mais d'abord, faites sortir monsieur votre fils. Comment, moi? Oui, mais ce n'est pas mon fils. Vous n'allez pas me dire que c'est votre mari? Mais que c'est bête ce que vous dites là. Mais qu'est-ce qu'il a donc tout le temps à me faire des enfants? Ben, puisque c'est pas votre fils, faites sortir ce quelconque. Oui, alors veux-tu aller m'attendre un instant, papa? Oui, volontiers. Ça doit être un tapeur, ça, il vient pour lui emprunter de l'argent, ce quelconque. Et maintenant, faites vite, qu'est-ce que vous voulez? Ce que je veux? Venez avec moi. Où ça? Chez ma femme. Ah non, je vous remercie, pas ce soir. Pardon, ce soir, ça presse. Ah, vous savez, qu'est-ce que vous faites donc, femme? Pourquoi ça? Pourquoi? Mais parce que la mienne dort, monsieur, et je ne peux pas arriver à la réveiller. Hein? Je l'ai trouvée sous l'influence d'un sommeil invraisemblable, comme votre femme tout à l'heure. Sapristi! Et dans une tenue! Oh, vous me permettrez de ne pas qualifier cette tenue. Oh, ce sera moi dans mon affolement. J'aurais trop regardé et je l'aurais endormie. Et qu'est-ce que vous avez fait en la trouvant comme ça? Ce que j'ai fait, je l'ai regardée, j'ai dit c'est ma femme. Ah ben oui, je vous demande pas ça. Vous n'avez pas essayé de la réveiller? Comment? Je n'ai pas essayé, mais voilà une demi-heure que je la secoue sans arriver à aucun résultat. Alors je me suis dit, il n'y a du ribadier là-dessous. Oui, j'ai dit ribadier tout court parce que vous n'étiez pas oui, là. Oui, ça m'est égal. Allez, venez avec moi. Alors bon, voilà Angèle. Oh, pour Dieu, allez-vous-en. Vous pouvez bien la réveiller vous-même. Et comment? Plus bas, donc, plus bas. Et comment? En lui prenant les mains et en soufflant dessus. Bon, en lui prenant les mains et en soufflant dessus. Bon, alors je vais lui souffler sur les mains. Oh. Ah, dites donc, faut-il souffler chaud ou froid? Et plus bas, donc. Oh, il y a la rage de crier. Alors, faut-il souffler chaud ou froid? Chaud ou froid, ça fait rien. Parlez plus bas, voyons. Lui, il a la rage de crier. La rage de crier. Et maintenant, ouvrons. Ah, ça? Qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie? Vous n'entendiez donc pas? Je n'ai rien entendu. Tu sors donc? Oui. Mais où vas-tu? Où je vais? À ton cercle, mon ami. Dire de ta part qu'on me réserve deux bonnes places pour ta représentation. Non, mais tu n'y penses pas. Puis d'abord, les femmes ne sont pas admises à la représentation. Oui, là. Ah, ça, dis-moi donc. Est-ce que ça va durer longtemps, cette comédie que tu me joues depuis une heure? Plaît-il? Est-ce que tu t'imagines que j'y ai cru un instant et que je ne sais pas que tu viens de chez ta maîtresse? Moi? Oui, toi! Ah, je vais t'en donner, moi, des maîtresses. Et d'abord, puisque c'est comme ça, dès ce soir, tout le monde saura que tu es l'amant de Madame Savinet. Malheureuse, mais tu feras pas ça! Ah! Je me gênerais. Mais elle veut me faire tuer, non, je t'en prie, songe aux conséquences. Mais quelles conséquences? Savinet vous tuera? Et ben après, sa femme en sera quitte pour prendre un autre amant, voilà tout. Angèle! Angèle, tu ne feras pas ça! Ah, c'est ce que nous verrons! Tu ne feras pas ça! Si, je le ferai! Si, je le ferai! Si, je le ferai! Et moi, je te dis que tu ne sortiras pas! Si, je sortirai! Si, je sortirai! Si, je le ferai! Tu resteras là! Eh ben, allons bon. Je l'ai endormi sans le vouloir. Oh, ma foi, tant pis. Puisque ça y est, je vais la laisser dormir comme ça 10 ans, 15 ans avec son chapeau et son parapluie. Elle aura peut-être oublié à cette époque-là. Seulement, elle va me gêner beaucoup. Oh bien, en la rangeant là-haut dans une chambre... Oh non, c'est pas possible. Non, c'est pas une solution, ça. Oh non, non. Oh, comment me tirer de là, maintenant? Dis donc, tu m'oublies, toi, là-dedans? Oh, quelle idée! Arrive ici, toi! Moi? Oh, ta femme qui redort. Oui, tiens. Mais mets-toi là, à cette table, nous allons jouer à l'écarté. Hein? À cette heure-ci, mais à propos de quoi? Il le faut, il n'y a pas de temps à perdre. Oui, mais je ne sais pas y jouer. Oui, mais ça ne fait rien, c'est moi qui gagnerai. Mais d'abord, songeons à tout. Mais qu'est-ce que tu fais? Je la déshabille. Devant moi? Je range ces objets à ma femme. Il les met dans un meuble, prend la corbeille à ouvrage, la place sur les genoux d'Angèle, puis lui met une tapisserie dans une main et une aiguille dans l'autre. Je vais vous être pendu si j'y comprends quelque chose. Mais tu n'as donc pas deviné que ma femme, c'est tout? Oh bah. Et qu'il n'y a que ce moyen-là de conjurer le mal. Allez, faisons une partie d'écarté. Ouais, bah, je ne vois pas bien en quoi une partie d'écarté. Mais comment? Mais tu ne saisis pas, et parbleu, il s'agit de jouer ma femme. L'écarté? Ah bah non, alors au baccarat, plutôt j'y ai de la veine. Mais quoi? Mais qu'est-ce que tu vas comprendre? Nous allons jouer ma femme, nous allons lui donner le change, quoi. Ah bon, oui, ça m'étonnait aussi de sa part, oui. Bah alors, je ne te demande qu'une chose dans tout ça, c'est de dire tout le temps comme moi. De dire comme toi? Bon. Je vois pas très bien où tout ça nous mènera, enfin. Bon, je fais les cartes. Non, c'est moi. Bon, comme tu voudras. Mais enfin, il faudrait se décider. Non, mais à ça, dis donc, est-ce que tu as bientôt fini de répéter toutes mes paroles? Comment c'est toi-même qui viens de me dire de dire comme toi? Eh, que tu es bête, de dire comme moi, d'abonder dans mon sens quand ma femme sera réveillée. Ah bon, laisse-moi donc, parce que n'est-ce pas, tu me dis... Bon, alors, allons-y. Oui, non, mais je t'ai prévenu, je ne sais pas y jouer. Oui. Il souffle deux fois sur le visage d'Angèle, qui se réveille lentement. Oui. J'ai le roi. Moi, j'en ai deux. Mais tais-toi donc, quelle âne. Où suis-je? Que s'est-il passé? Cœur. Eugène. Eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il joue aux cartes avec Tom Reux? Cœur à tout. Oh, ça, mais qu'est-ce que ça veut dire? Il y a tout. Ça fait 5, j'ai gagné. À quoi vois-tu ça? Eugène. Oh, bah t'as bien dormi, ma chérie. Comment j'ai bien dormi? Eh ben oui, je te demande comment. Voilà une heure que tu fais un somme. Que je fais un... Oh, ça, voyons. Ah, compris. Oh non, mais ça me va, comme j'ai remporté une veste. Et mon en tout cas... Et mon chapeau? Quoi? Mais qu'est-ce que j'ai fait de mon chapeau et de mon en tout cas? Bah comment est-ce que tu en as fait? Est-ce que tu les avais? Oh, il a un toupet. Je les avais pas. Madame, pour dormir, je ne vois pas. Oh ça, mais voyons. Mais tu ne parais pas encore bien éveillée. Oh, je suis pas folle cependant. Ça prend. Alors tu n'es pas sortie tout à l'heure? Qui, moi? Écoute, Tom Reux, tu l'entends? Nous n'avons pas cessé de jouer à l'écarté. Même il a triché tout le temps. Oh, permets! Non, c'est pour la vraisemblance. Il n'est pas venu un homme ici? Un homme? Bah oui, monsieur Savinet. Savinet? Tu connais Savinet, toi, Tom Reux? Savinet, attendons, il me semble me rappeler que sous Louis XI, un cousin de Jeanne d'Arc... Mais non, le mari de la maîtresse d'Eugène. De ma maîtresse? Oh, elle est bien bonne, de ma maîtresse. Tu entends, Tom Rue? De sa maîtresse. Alors, vraiment, c'est pas vrai? Elle le demande. Ah, tu en as de bonnes. C'est pas vrai? Ça a pris. Oui, ça a pris, oui. Oh, mais puisque c'est pas vrai, tu as pas idée du rêve bête que j'ai fait. Non, t'es arrivé. Tom Rue, ma femme a rêvé. Oui, elle a rêvé, oui. Ah, tu avais une maîtresse. Non, bah, attendez, donc c'est ce que je vais dire. Ah, oui, bon, oui. Alors, le mari t'avait surpris, il s'appelait Savinet, je sais pas pourquoi. Savinet. Oh, que c'était drôle. Oh, c'est d'un drôle. Il te poursuivait jusqu'ici, te provoquait, te vendait du cognac, et tu faisais des verres. C'est à mourir, c'est à mourir. Oh là, allez, va donc. Oui. Alors, tu venais de sortir pour aller chez ta maîtresse, et j'étais seule. Oui, ça prend beaucoup trop. Et alors? Alors? Oh non, ça, je ne peux pas raconter ça devant monsieur Tom Rue. Oui, c'est ça, si vous croyez que devant moi... Oui, c'est un rêve que vous n'avez pas besoin de connaître. Mais je ne demande pas. Je raconterai à mon mari quand nous serons seuls. Oh là. Ah, c'est égal. Je vais bien cru, hein. Oh, que c'est bête, les rêves. C'est idiot, n'est-ce pas, Tom Rue? Idiot. Le marchand de cognac. Savinet. Le cousin de Jeanne d'Arc. Savinet. Dandala. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Non, mais qu'est-ce que vous voulez, malheureux? Mais qu'est-ce que vous voulez? J'ai eu beau souffler chaud, j'ai eu beau souffler froid. C'est bien vous, monsieur, qui êtes le mari de la maîtresse de mon mari. Hein? Il vous a dit? Mais allez au diable, Angèle, je vais t'expliquer. Laissez-moi, monsieur, tout est fini entre nous. Vous avez dit que vous étiez l'amant de ma femme? Je vous tuerai! Oh, monsieur Savinet, monsieur Savinet! Angèle! Monsieur Savinet! Quelques heures plus tard, toujours chez les Ribadier. Alors, mon pauvre vieux, tu te bats? Oui, et quel duel. Un duel où je dois faire tous les honneurs. Rentrez donc, vous êtes chez vous, comme c'est gai. Enfin, n'importe. Écoute, mon cher, je ne me fais pas d'illusions. On ne sait ni qui vit, ni qui meurt. J'espère pourtant que ça se terminera bien. On ne sait jamais. Merci. Si cependant l'issue ne devait pas être heureuse, prends cette lettre. Elle contient mes dernières volontés. Tes dernières volontés? Oui. On ne se figure pas combien c'est pénible d'écrire ces choses-là, surtout quand il s'agit de soi. Tiens, la voilà. J'ai pensé à toi. Non, mais quoi? Est-il possible que... Oui, pour la remettre à ma femme dans le cas où l'éventualité que nous appréhendons se produirait. Ah bon, oui. Ça m'étonnait aussi de sa part. Puis-je compter sur toi? N'aie pas peur, pas plus tard que demain, elle les aura. Comment, pas plus tard que demain? C'est tout ce que tu as à me dire. Non, voici encore une lettre. Encore? Il me prend pour le facteur, alors. Une lettre pour le président de mon cercle. C'est lui qui sera mon second témoin. Ah. Oui, il est un peu gâteux, mais enfin, tu sais, il est président. Alors, tu vas me faire le plaisir d'aller le trouver. Oui, mais s'il est gâteux? Eh ben, tu t'entendras avec lui pour ce qu'il y a à faire. Je vous confie mes intérêts. C'est entendu, j'y cours. Et pour le reste, à la grâce de Dieu. Mais oui, à la grâce de Dieu. Comment? Il siffle? Eh ben, voilà un témoin qui a une façon de comprendre sa mission. Oh, ce duel, ce qui m'embête. Ah, Sophie! Monsieur? Il n'est pas encore venu. Deux messieurs en noir me demandaient. En noir? Ah si, monsieur, il est venu le charbonnier. Non, c'est pas ça. J'attends deux messieurs, deux témoins. Monsieur marie quelqu'un? Mais non, Sophie. Ma pauvre Sophie. Ce sont les témoins de mon adversaire. Je me bats. Monsieur se bat ? Ben, je ne vois pas qu'il y ait à rire. C'est drôle. Ah, c'est que je ne vois pas monsieur se battant. Oui, oui, eh ben, je ne vous demande pas de me voir. Si ces messieurs venaient, vous me préviendrez. Oh oui, monsieur. Oh oui. C'est curieux comme on prend gaiement parti de mon duel ici. Il va se battre. Ah, moi, ça me fait toujours rire quand j'entends dire « il va se battre ». Oh, je trouve ça si bête. Sophie, monsieur n'est pas encore sorti de sa chambre. Oh si, madame. Madame veut-elle que j'aille le prévenir? Ah non, non, non, je vous en prie, ne prévenez personne. Bien, madame. C'est drôle, il demande tout le temps l'un après l'autre. Et s'il y a qui se verra pas? Non. Certes, non. Je ne veux pas le voir. Oh, s'est-il assez moqué de moi? C'est indigne! Abuser des courts instants où sa femme dort pour... c'est indigne! Et voilà où nous en sommes. Obligés de ne pas dormir pour assurer notre repos. Oh, c'est égal. Il y a quelque chose de pas clair dans tout ça. Monsieur Savinet! Hein? Si monsieur veut entrer, voici toujours madame. Oh, madame, je vous salue. Vous ici, monsieur? Après ce qui s'est passé? Oh, je comprends, madame, que ma présence est de quoi vous étonner. Je sais qu'il est de règle en matière de duel de ne communiquer avec son adversaire que par l'entremise de ses témoins. Mais les règles, je ne sais pas qui les a faites, en tout cas on ne m'a pas consulté, par conséquent je les engendre. Ah. D'ailleurs, je tiens à parler précisément à monsieur Ribadier, avant que nos témoins respectifs ne s'abouchent. Mais au fait, je puis bien vous le dire. En deux mots, voici ce qui m'amène. J'ai surpris, n'est-ce pas, monsieur Ribadier chez ma femme. Ah! Le monstre. Ah, madame, ça n'est pas vous, c'est ma femme qui aurait dû dire ça. Elle ne l'a pas dit. Ce qui est fait, il n'y a pas à revenir en arrière, c'est bien établi. J'avais agi envers monsieur Ribadier en parfait galant homme. Je ne lui avais demandé qu'une chose, garder le secret et ne pas renouveler autant que possible. Ne pas renouveler, bien entendu. C'était de la générosité. N'est-ce pas? Il ne l'a pas fait. Je le regrette, mais maintenant que des tiers ont été mêlés à une aventure qui devait rester entre nous... J'estime qu'une rencontre est devenue inévitable. Naturellement, pour ceux qui savent. Maintenant, pour ceux qui ne savent pas. J'aime autant ne pas ébruiter l'affaire. Je serais très vexé de me singulariser à Bercy. Vous êtes modeste. Je n'ai jamais aimé me faire remarquer. Donc, je viens demander à ce brave Ribadier de laisser ignorer à ses témoins et à tout le monde le véritable motif de notre rencontre. Nous nous battrons sous un prétexte quelconque, comme celui-ci par exemple, que j'ai imaginé. Ribadier et moi, nous avons dîné ensemble, n'est-ce pas? On a servi un vin fin, Ribadier a dit que c'était du Bordeaux, moi j'ai dit que c'était du Bourgogne. Ben, c'est moi qui avais raison et nous nous battons à mort. Et vous croyez que cette raison-là... Oh, nous n'en trouverons pas de meilleure. Pour Bercy, songez donc. Une question professionnelle. Ceci d'ailleurs est une affaire entre vous et M. Ribadier. Quant à moi, je n'ai plus rien de commun avec lui. Allons donc... Oh, vous êtes fâché après lui? Oh! Fâché! Ce mot est aimable. Oh, tenez, vous n'avez pas de philosophie. Oh non, monsieur, madame, non, vous n'en avez pas. Mais cependant, monsieur... Vous... Ah, savez-ce que vous croyez qu'au premier moment, j'en ai pris comme ça mon parti? Non, j'ai été comme vous, j'ai été ennuyé. Eh bien, voyez-vous, dans la vie, le tout est de bien établir sa situation. Ce matin, quand j'ai vu mon domestique m'apporter mon déjeuner comme à l'ordinaire, quand mon concierge m'a remis mes lettres, je me suis dit, en somme, qu'est-ce qu'il y a de changé? Rien? Une fiction? Il y a beaucoup de conventions dans tout ça, vous savez. Vous croyez? Oh, madame, s'il y en a! Alors, à côté de ça, je commence par vous dire que je ne suis pas superstitieux, mais enfin, c'est curieux tout de même. Une affaire. Une affaire superbe, après laquelle je courais depuis 2 mois sans arriver à une solution. Vlan ! Ce matin, en 2 temps, je l'ai conclu. C'est moi, désormais, qui ai la fourniture des vins de Bordeaux dans les bouillons du Val. Une affaire énorme. Ça ne prouve rien, c'est évident, mais enfin... Je serais peut-être en droit de me dire... Si Ribadier, tout de même, n'était pas venu me... n'aurait peut-être pas la fourniture des Bordeaux dans les bouillons du Val. Allons, je vois que c'est vous qui êtes l'obligé de monsieur Ribadier. Oh, je n'irai pas jusqu'à dire ça. N'oublie pas quelle a été sa conduite à mon égard. Si encore il s'était contenté de me prendre ma femme. Il ne parlait même pas de moi respectueusement. Ah non. Tenez. Et qu'est-ce que c'est? C'est une lettre de votre mari que j'ai trouvée chez ma femme. Comment ça? En fouillant. Vous allez voir. Oh. Ma Réré. Oui, c'est un abréviatif de Thérèse. Ma femme s'appelle Thérèse. Moi, je l'appelais Tété, j'avais pris la première syllabe, lui, il a pris ce qui restait. Ah, je vais t'en donner des rires. Non, bah, c'est trop tard, madame, il ne vous a pas attendu pour ça. Ma Réré, je viens de te quitter et j'éprouve le besoin de t'écrire. J'ai été bien heureux ce soir. Oh, c'est inconvenant. Ah, si c'est inconvenant, à qui le dites-vous? Je savais bien que tu ne pouvais pas aimer ton mari, il est... Ah non, lisez, tenez, lisez, J'aime mieux que ce soit vous que moi. Je savais bien que tu ne pouvais pas aimer ton mari, il est laid comme un singe. C'est de moi. Ah, vous trouvez ça poli? Qu'il est heureux que cet homme de vivre près de toi, tu es la vraie femme adorable. Mmh. Oh! Quand je te compare à la mienne qui est... Oh non, tenez, lisez, je ne peux pas. Mais qui est insupportable, déviant, gingarde. Oh! Ah, quel obstacle ce serait entre nous sans mon précieux système. Comme c'est commode, chaque fois que ton... Bon, je reviens sur l'eau. Chaque fois que ton... Ah non, à vous, tenez, à vous. À chaque fois que ton imbécile de mari s'absente... C'est toujours moi. Ah, vous trouvez ça poli? Pour avoir la clé des champs, je n'ai qu'à regarder ma femme d'une certaine façon dans les yeux, et la voilà... endormie. Pour autant de temps que nous en avons besoin. Il endormait aussi la mienne. Hein? Quoi? Moi? Oh, le monstre! Ah, je comprends donc maintenant ce sommeil inexplicable. J'étais... Oh, non. Le monstre! Lisez la suite. Non, je peux pas. Rien de la sorte ne peut troubler nos amours. Oh. Si tu savais comme je t'aime. Comme je t'aime, tiens! Oh, madame! Oh, pardon. Il me semblait que c'était mon mari. Bah, c'est trop fort, j'ai pas une raison parce qu'il s'est mis à ma place chez moi pour que vous me mettiez à la sienne. Oh, et puis tout ça, c'est hors de la question. En attendant, je garde cette lettre, elle me servira. Ah bah non, mais je la garde aussi pour la même raison. Ah, permettez, elle est écrite par mon mari, j'ai le droit de la voir. Oui, mais elle est écrite à ma femme et comme telle, elle m'appartient. Eh bien alors, chacun la moitié. Elle me donne la feuille blanche. Oh, le gredin, il m'endormait. Mais enfin, qui est-ce qui aurait dit que j'étais... Oh, eh ben voilà, il m'endormait. Oh, mais maintenant, je sais ce qu'il me reste à faire. Et moi donc? Le divorce. Moi aussi. J'irai vivre toute seule. Moi aussi. Mon mari me rendra ma dot. Moi aussi. Hein? Je dis, mon mari me rendra ma dot. J'avais bien entendu, alors vous croyez que... Madame, vous supposez bien qu'il ne va pas la garder puisque nous nous séparons. C'est juste diable. Mais qu'est-ce que ça vous fait? Ah bah ça ne me fait rien pour votre mari, mais c'est pour moi que je dis diable. Bah quoi? Bah quoi, c'est que... Je comprends très bien la dot, évidemment. Mais la rendre en ce moment-ci... Moi, quand ma femme m'a apporté ses 400 000 francs, je les ai employés en valeur argentine. Eh ben, à ce moment-là, c'était très bon. Aujourd'hui, ça ne vaut pas le quart, c'est pas le moment de vendre. Je pourrais jamais restituer la dot au père. Bah, vous avez votre fortune personnelle. Ah, elle est représentée par ma maison de commerce. Liquidez-la. Vous en parlez à votre aise. Alors, parce qu'il a plu à ma femme et à monsieur Ribadier de et qui m'ont fait... ça n'est pas encore assez. Il faudrait encore que ça me coûte à de l'argent. Non. Je veux bien encore l'être, mais au moins, allez. Oh, et après tout, c'est votre affaire. Ah non. Du reste, je vais aller trouver Tété. Tété? Oui, ma femme. Ah oui, Réré pour mon mari. Réré pour lui, Tété pour moi. Je vais aller trouver Tété et j'aurai une explication avec elle. Vous direz à cet excellent Riri... Ribadier, que je regrette beaucoup, mais que je ne peux pas l'attendre plus longtemps. Soit, je lui ferai dire. S'il vous plaît. Allons, au revoir, madame. Et maintenant, il faudra bien que ma femme me donne de bonnes raisons. Ah non, il n'y a pas. Les fonds argentins que j'ai hier, 357. Ah non, je ne peux pas les vendre. Oui, va, elle t'en donnera de bonnes raisons. Et même si elles ne sont pas bonnes, tu sauras les trouver telles. Et voilà les hommes, tenez. Heureusement que nous ne sommes pas comme ça, nous autres femmes. Et monsieur Ribadier pourra bien me donner toutes les bonnes raisons qu'il voudra. Vous m'endormiez. C'était commode, n'est-ce pas? Madame gêne, on l'immobilise et on l'arrange dans un coin. Eh ben, à nous deux, je veux que votre bel exploit tourne à votre confusion. Je vous ménage une... Lui, il arrive bien. Ma femme. Pardonnez-moi, madame, Sophie m'avait dit qu'un monsieur m'attendait ici. Et monsieur, ne nous occupons pas de la personne qui était ici. Elle n'a pu vous attendre et elle est partie. J'ai à vous parler. À moi? D'une chose des plus graves. Oh, madame, je devine tout ce que vous pouvez me dire. Je reconnais tous mes torts. Vous pourrez donc demander le divorce contre moi. Eh bien, non, monsieur. nous ne pouvons pas divorcer. Il s'est passé des choses si graves que quelques désirs que j'en ai, je ne dois pas divorcer. Que voulez-vous dire ? Il est bien vrai, n'est-ce pas, que tous les soirs où vous aviez besoin de votre liberté, vous m'endormiez. Comment ? Vous ? Je ne chercherai pas à mentir. C'est vrai. Il avoue. Eh bien, monsieur, chaque soir, une fois que j'étais endormie et que vous étiez parti, un homme pénétrait dans cette chambre. Que dis-tu ? Et alors, abusant de mon état et profitant de l'obscurité... C'est faux ! Dis-moi que c'est faux ! Hélas, je le voudrais. Elle voudrait ? Mais oui, je comprends. Hier, la fenêtre ouverte. Mais c'est par là qu'il est entré, le misérable ! Mais quel est-il, cet homme ? Son nom ? Je l'ignore. Mais tu le reconnaîtrais, tu l'as vu ! Mais non ! La lampe était toujours baissée. Oh, c'est affreux, tous les soirs, alors ! Un homme ! Mais qui c'est, un homme ? Ils étaient peut-être plusieurs. Oh, ça, non. Je te réponds que c'était toujours le même. Oh, tais-toi, tiens, tais-toi ! Mais mon ami ! C'est pas de ma faute. Tu m'avais endormi. Mais ça ne fait rien, tu devais appeler, tu devais crier ! Crier ? Mais on ne crie que dans les cauchemars et... Je ne peux pas dire que c'était un cauchemar. Oh, assez, madame, assez ! Et puis, veux-tu que je te dise ? Dans mon sommeil, je me figurais que c'était toi. Et alors ? Moi ? Mais allons donc tous les soirs, tu sais bien que... Oui. Allons donc ! Oui, oh, ça, tu n'as pas besoin de te défendre. Je sais très bien qu'avec moi... Dame, on est parcimonieux chez soi quand on est prodigue au dehors. Oh, oh, oh, oh, je ne te reproche rien. On ne peut pas être à la fois ministre de l'Intérieur et des Affaires étrangères. Oh, trêve de raillerie ! Mais en attendant... Voilà la vérité, l'affreuse vérité. Tu peux bien dire que c'est ton œuvre. Oui, tu as raison. Oh, tiens, laisse-moi, j'ai besoin d'être seul, de réfléchir, de comprendre. Eugène, c'est la fatalité. Oh, mais je le trouverai, le misérable. Oui. Ben, tu seras bien malin si tu y arrives. Oh, c'est affreux. C'est affreux ce qui m'arrive. Et voilà ce que tu as fait, imbécile. Voilà ce dont tu es cause avec tes malices. Car enfin, elle n'est pas fautive, elle, la pauvre martyre. C'est toi, toi, au lieu de te conduire comme tu devais, au lieu de tromper ta femme comme tous les maris avec des moyens classiques, tu as voulu faire le savant avec ton système à toi, le système ribadier. Eh bien voilà où te mène le système ribadier. Oh, oh, c'est à s'arracher les cheveux. Ah, j'arrive de chez ton président, il ne peut pas, il est mort. Par conséquent, pour ton duel... Ouais, il s'agit bien de duel. Bien autre chose en tête que mon duel. Hein ? Tu sais, le rêve que ma femme ne voulait pas me raconter devant toi... Sapristi ! Oui. Eh bien, elle m'a tout dit. Ah, vraiment, elle t'a ? Oh, mon Dieu. Oh. Oh, si tu savais, pendant mes visites chez Madame Savinet, un misérable s'introduisait ici. Oh là là là là là là là là là là. Tous les soirs, mon ami. Non, pas tous les soirs. Si, tous les soirs. Mais dis donc, c'était pas moi. Ben, je sais bien que c'était pas toi. Est-ce que tu as cru que je te disais ça parce que je te soupçonnais ? Ah non, seulement je dis... Qu'est-ce que tu dis là ? Un misérable qui s'introduisait ! Et abusait lâchement du sommeil d'Angèle pour... N'achève pas, j'ai peur de comprendre. Tu y es. Angèle, ta femme, Madame Ribadier, tous les soirs. Voilà. Et tu m'annonces ça comme ça, à moi, sans ménagement, à moi. Tu vois ma tête d'ici, quand j'ai appris. Mais ta tête, tu ne penses qu'à ta tête, toi. Ce misérable, quel est-il ? Un inconnu. Son nom ? Puisque c'est un inconnu. Oui, c'est juste, un inconnu, on ne sait pas qui c'est. Et tu ne soupçonnes personne ? Ah, personne. Et tout le monde. Tout le monde. C'est tout le monde qui est l'amant d'Angèle. Ah, il est joli, le résultat du système Ribadier, il est joli. Ah, le misérable. Dire qu'il entrait tous les soirs par cette fenêtre. Oh, c'est dégoûtant. Oh. Hein? Mais qu'est-ce qui est accroché là ? Un indice ! Hein ? Une boucle de gilet avec un morceau de pâte arraché. Une boucle ? Non, c'est pas à moi. Elle est jaune. À mère raillerie. Mais à qui ? Une boucle de gilet. Tous les hommes portent des gilets, ça n'indique rien. Bah, ça t'indique toujours que c'est un homme. Oui, ça je m'en doutais, un homme, quoi. C'est la moitié du genre humain, un homme. La moitié du genre humain pour une femme seule. Oh, C'est à se casser la tête. Monsieur Yagusman. Et allez au diable, vous. Hein? C'est moi, monsieur. Je venais prendre les ordres pour accueillir. Il n'y a pas d'ordre. Allez. Il n'y a pas d'ordre. Allez. De quoi se mêle-t-il, l'ami? Ah! Quoi? Regardons la boucle. Lui, elle n'y est plus. Hein? Qu'est-ce qu'ils ont? Le cocher! Oh, misérable! Assassin! Oh, mon Dieu! Assieds-toi! Assieds-toi! Eh oui, c'est moi! Je vais l'étrangler. Hein? Laissez-nous. Oui, monsieur? Voulez-vous rester, vous? C'est à vous que je parle, Sophie! Allez! Oui, monsieur. Qu'est-ce qu'ils vont lui faire, mon Dieu? Je vais dire que cet homme-là, le suborneur de... Il est là. Le voilà. Le voilà. Ben, qu'est-ce qu'ils ont à me dévisager? Regarde-le. Il sourit. Il a l'audace de sourire. Je vais le tuer. Hein? Et là? Non, pas encore. Avant tout, il faut savoir l'interroger sans avoir l'air. Oui. Il s'agit d'être diplomate. Laisse-moi faire, j'ai été consul à Batavia. Va. Avancez, vous! À sa cochée, est-ce que vous ne seriez pas par hasard le séducteur de madame? Hein, mais veux-tu te taire? C'est ça que tu appelles de la diplomatie? Il commençait très fort, il allait être pris. Ah, tais-toi. Tiens, laisse-moi faire. Approchez. Connaissez-vous ça? Oh, la boucle de mon gilet! Sa boucle? Il la reconnaît. C'est sa boucle. Mais oui! Oh, bien ce que je l'ai cherché. Ah, c'est ta boucle! Gredin! Allons, bon, ça le reprend! C'est toi, n'est-ce pas, qui escaladais cette croisée tous les soirs, quand je n'étais pas là? Monsieur Say? Tout! Tout! Tu venais pour une femme, hein? Tu venais pour une femme? Allons, à vous! Oh, monsieur! La galanterie! Je suis gentleman! Oh. Alors, 50 francs pour toi. C'est bien. Alors... C'est toi qui venais ici dans l'obscurité. C'était moi. Tu avais bien soin de ne pas relever la lampe. Oh, j'allais aussi bien à tâtons. Oh, oh! Et tu as osé, la pauvre innocente, par la violence, en dehors de sa volonté. Quoi? Je dis par la violence. Allons donc, c'est elle qui me faisait des avances. Hein? Infamie. Oh, Angèle. Quelle affaire pour une bonne. C'est elle qui lui a fait des avances. Elle a toujours eu un faible pour les cochers. Oh! Taisez-vous! La misérable. Tiens, va par là. Et attends que je vienne te chercher, tu m'entends? Et mes 50 francs, monsieur? Tes 50 francs, tu me... Il te faudrait encore un pourboire? C'est de l'impudence! Veux-tu aller par là? Oh, mon ami, mon ami. Oh, mon ami, c'est affreux. C'est monstrueux. Oh, la sainte Nitouche, qui aurait pu se douter quand elle me jouait la comédie? Hein? Et qui? Son cocher. Ça serait un homme bien, encore. Ah oui? Quand on lui propose un homme bien, elle n'en veut pas. Mais un cocher, un subalterne. Ah, ah, mon ami, ça fait mal dans ta bouche. Ah, mais elle va voir. Elle va voir. Angèle! Angèle! Ah non, non. Non, ça, il y a des situations qu'il faut savoir prévoir dans la vie, mais à ce degré-là. Ah non! Vous désirez me parler? Approchez, madame. Je sais tout. Nous savons tout, madame. Tout quoi? Ce qui se passait ici. L'inconnu, tous les soirs. Par la fenêtre. Bah, tiens. C'est moi qui vous l'ai dit. Ah oui, mais ce que vous ne m'aviez pas dit, c'est que vous le connaissiez, l'inconnu. Et nous le connaissons également. Oh, allons donc. Parfaitement. Oh, vous le connaissez. Mes compliments, il tombe bien. Et il nous a tout dit, madame. Tout. Vous entendez? Tout. Ah? Tout. Et ce n'est pas lui qui abusait de votre sommeil. C'est vous qui alliez le chercher. Hein? Oh, honte. Il est là, madame, votre amant. Il est là. Là? Tenez, le voilà. Voilà, votre amant. Sortez. Sortez. Le cocher? Il m'a raconté. Tout avoué. Hein? Vous? Oui, madame, j'ai tout avoué et j'avoue encore devant vous. Mais c'est faux! Comment c'est faux? Mais tu ne le crois pas, n'est-ce pas? Je ne veux pas que tu le croies! Hein? Mais jamais, je te jure! Tant que je savais que c'était une invention, je voulais que tu le croies pour te faire subir le châtiment de ce que tu m'as fait souffrir. Mais du moment que par une circonstance que je ne comprends pas, tu peux sérieusement t'imaginer... Oh non, c'est faux! Oh, moi, avec ton cocher, oh, jamais! Mais qu'est-ce que ça veut dire? À ça, où allez-vous? Mais quelle était la femme qui... Mais Sophie, monsieur, la femme de chambre. Sophie? Oh, ben je le savais bien. Mais qui donc avez-vous cru? Personne. C'était Sophie. Gusman, je vous dois 50 francs. Voici 2 louis, vous garderez le reste. Hein? Mais monsieur, ce n'est pas le compte. C'est bien, ça ne vaut pas la peine d'en parler. Oh, ben je la trouve mauvaise. Je rattraperai ça sur l'avoine. Oh, Angèle. Oh, Angèle, que c'est mal de t'être ainsi jouée de moi. Mais tu m'aimes toujours. C'est bien, monsieur. Je ne regrette qu'une chose, c'est que vous n'ayez pas souffert encore davantage, mais tout est fini. Oh, non, il n'y a rien de fini. Tu m'aimes toujours. Non, je ne vous aime pas. Et la preuve, c'est que je reprends ma liberté et que je vous rends la vôtre. Tu me rends ma liberté? C'est très bien. Je vais te se passer chez Madame Savinet. Tu ne feras pas ça! Ah, tu vois bien! Oh, Angèle, que je suis faible. Mais qu'est-ce que je fais là, moi? Qu'est-ce que je fais là? Au moins, tu me promets de ne plus retourner chez cette femme. Ni chez elle, ni chez d'autres, Angèle. Je donne ma démission des affaires étrangères. Dorénavant, je reste tout à l'intérieur. Vrai? Oh, Angèle. Allons, voilà les expansions qui recommencent. Je crois que je ferai aussi bien de retourner à Batavia. D'entendre Le système Ribadier de Georges Feydeau avec le concours de messieurs Jacques Hézer Savinet, Jean-Paul Roussillon Ribadier, Alain Feydeau Thomereux, Raymond Aquaviva le valet de pied Gusman, Philippe Rondest le récitant et mesdemoiselles Yvonne Godot Angèle et Virginie Pradal Sophie. Chef opérateur du son, Robert Lavoigna. Collaboration technique, Liliane Ouzel. Bruiteur, Jean-Jacques Noël. Assistante de production, Catherine Lemire. Réalisation, Jacques Régnier. Cette pièce a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 4 août 1974. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger sur le site franceculture.fr ou sur l'application Radio France à la rubrique des Nuits de France Culture.